6h23 sur Fun Radio et Maroon 5 à l'instant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Une bonne journée hier aussi d'ailleurs. Oui, oui, t'as fait ton bon pas d'essence. Ce matin, donc quoi, il est venu à la radio à pied. Mais ouais, mais comme un con, en fait, j'ai fait comme un mongol. Ouais, d'ailleurs, il a failli appeler la ligne anti-mongol. On va faire un nouveau numéro. Ah oui, non, mais là. En fait, j'ai prêté ma voiture hier à Fab qui fait de la prod ici. Et ce connard, il a mis la clim à fond et donc il a consommé tout ce qui restait d'essence. Et hier soir, je suis parti super tard. J'avais la flemme de m'arrêter pour faire le plein. Je me suis dit, c'est pas grave, je ferai demain matin, machin. Eh ouais, Et en fait, dans la précipitation. Il était à la pompe, il tombe en panne à la pompe, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est très drôle. C'est qu'en fait, je suis arrivé à la pompe et donc je vais pour prendre ma carte dans mon portefeuille, sauf que j'ai changé de pull. Non, tu t'es retrouvé sans argent. Donc j'étais là, et non, j'avais du liquide. Mais personne pour prendre ton liquide. Donc, j'avais du liquide, tu vois. J'avais Oui, non, mais on a compris, Tof. Oui, j'avais de l'argent, quoi. J'avais de l'argent. Et donc, je redémarre en me disant, c'est pas grave, j'irai à la radio, je verrai après. Tu vois, au pire, je prendrai un bidon pour. Et en fait, j'ai fait 5 mètres. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, d'accord, ok. Et voilà, et donc la catastrophe, il tombe en panne. Donc, si vous avez un bidon d'essence, hein, que vous voulez à 9h30 aller aider Tof à remettre de l'essence dans sa caisse, enfin, en même temps, tu es à 5 mètres de la pompe, donc tu peux pousser. Oui, voilà, non, c'est ça. C'est loin d'ici. Un quart d'heure à pied, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, rien de grave. Mais la prochaine fois, t'aurais dû appeler une vraie amie, t'aurais pu appeler Julie, elle serait venue le chercher. Pour ça, attends, t'as dit une vraie amie. Ah, c'est pas moi alors. Ah, voilà, c'est vrai que t'as toujours pas son numéro, effectivement. Non, tu me l'auras jamais. Pour un bon prix, je te le donne, enfin, je te le vends. Il y a aucune confiance. C'est bon, là, j'ai quelques prix, 500 euros. Ok, d'accord, ouais, c'est des fautes, ça m'intéresse pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne nuit aujourd'hui. Grosse journée d'ailleurs. Attendez, je vais prendre directement tous mes papiers que j'ai oublié la moitié là-bas, là. Voilà. Comme tu es mal préparé. Mais non, j'étais bien prêt, mais c'est juste que le truc était à l'autre bout du studio, je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Bon, aujourd'hui, on aura pas mal de places de football à vous offrir aussi pour le Sporting Charleroi. Et en plus de ça, vous aurez la possibilité pour l'un d'entre vous de gagner des places VIP pour le match. Donc, c'est-à-dire que vous serez en mode business avec la place de parking, tout le bazar. Là. Vous serez comme des rois là-bas. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça va être pas mal. Voilà. Il y aura tout, t'inquiète pas, tout est prévu. Les hôtesses et tout Oui, certainement. Je veux bien y aller. Donc voilà, donc ce sera à gagner tout à l'heure, même maintenant d'ailleurs. 63-22, débutez par votre message par Sporting avec vos coordonnées complètes. On aura aussi bien évidemment les factures qu'on va vous rembourser, ça va de soi. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis dernière chance aujourd'hui pour repartir avec les jeux vidéo Harry Potter, les reliques de la mort partie 2, ainsi que ça marche sur n'importe quelle console, hein, donc vous cassez pas la tête. Et puis on aura aussi bien évidemment les jeux Sims 3, c'est l'additionnel qu'on vous file, le jeu additionnel, donc faut avoir le Sims 3 de base évidemment. Et puis pour repartir maintenant avec les écrans plats HD, hop, attention. Attention. La petite énigme qui colle. Alors attention. Devinette qui colle plutôt, effectivement. Alors, quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? Voilà, de grand matin, bonne chance à tous. Oui, de grand matin, bon appétit si jamais vous prenez votre petit déj. Mais la censure, elle a validé cette. Oui. J'ai validé parce que à un moment donné, il faut valider quand même certaines choses, sinon il n'y a jamais rien qui passe à l'antenne. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a un écran plat à gagner HD. Quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? C'est moi ou elle a reconnu qu'elle était chiante? On peut faire ça comme ça, ouais. Bon, et restez bien là dans un instant. Avant les infos, ce sera le son de Lucenzo. Et ça vous rappelle également que ce soir, il y a l'Invasion Latina à partir de minuit avec Manu. Tous les sons latinos seront sur Fun pendant une heure. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Mickaël à la radio, sur Fun Radio. 6h29 sur Fun Radio, tiens, vite fait la petite devinette qui colle, je le rappelle avant les infos. Quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? On proposait l'odeur. Non, mais vous n'êtes pas loin, hein. Vous n'êtes pas loin, sinon il y en a un qui dit aussi, il y en a un qu'on se met dans le derrière ou dans la bouche. Oui, merci, hein. Oui, buccal justement, et rectal, c'est voilà. Pour ça qu'il y a une différence entre c'est deux. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, c'est ça, voilà. Ah ouais. Donc voilà, ce n'est pas l'odeur, mais c'est bien un autre problème qu'on a avec la bouche. Mais enfin voilà, je vous en dis pas plus. 6h30 sur Fun Radio, on se fait un tour du côté des infos, des premières infos de la journée maintenant. Salut à tous, l'Europe dément vouloir mettre en garde la Belgique. La Commission européenne a dit avoir pleine confiance dans le gouvernement d'affaires courantes en réaction aux informations révélées dans les médias hier. Pour rappel, la rumeur disait que la Commission européenne était sur le point de hausser le ton et que l'Europe comptait lancer à la mi-septembre une mise en garde officielle à la Belgique. 15 milliards pour la Libye nouvelle. La communauté internationale a mis au point à Paris une feuille de route pour les nouvelles autorités de Tripoli. 15 milliards de dollars ont été est dégelé contre la promesse de démocratie, de stabilité et de réconciliation. Dans le même temps, les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France et de l'OTAN ont annoncé que les opérations militaires internationales se poursuivraient tant que Kadhafi demeurerait une menace. Chez nous, attaque à main armée dans une pharmacie à Waterloo. Deux individus ont fait irruption vers 17h50 hier dans une pharmacie située dans la Drève-Richelle. Le premier a mis en joue la pharmacienne à l'aide d'une arme ressemblant à une petite mitrailleuse, tandis que le second faisait le guet. Ils se sont emparés du contenu de la caisse, estimé à quelques centaines d'euros, avant de prendre la fuite. Les deux vendeuses qui se trouvaient dans la pharmacie n'ont pas été blessées, mais se trouvent en état de choc. Geneviève Lhermitte réclame de l'argent à son psychiatre. Geneviève Lhermitte a condamné à la réclusion à perpétuité en 2007 pour avoir tué ses enfants. Eh bien, elle réclame 3 millions d'euros à ce médecin pour faute professionnelle. Elle estime que son psychiatre a commis une faute en ne prenant pas en compte la lettre qu'elle lui avait envoyée la veille du drame. Elle lui faisait état de ses pulsions meurtrières. Arrêt de travail jusqu'à 6h demain matin chez Steelcoat. Les travailleurs du site de Sclessin de l'entreprise, spécialisée dans les aciers plats et filiale d'ArcelorMittal, eh bien, ils se croiseront les bras pendant 24 heures. Ils revendiquent l'octroi d'une prime dans le cadre de la cession de l'activité. Et puis, l'Italie, un pays de merde. En tout cas, d'après Berlusconi, le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a qualifié en juillet dernier la péninsule de pays de merde, selon des écoutes réalisées sur le numéro de téléphone d'un de ses proches. Et ses mots exacts étaient « On peut dire que moi je baise, c'est la seule chose qu'on puisse dire. Dans quelques mois, je m'en vais pour m'occuper de mes oignons. Ailleurs, je m'en vais de ce pays de merde qui me donne envie de vomir. » Les Italiens doivent apprécier. Bon, mais c'est surtout qu'il est dans la merde maintenant, donc forcément, à part cracher sur son pays. Hein. Il y a une petite erreur de traduction, ce n'est pas oignon, c'est fion. Non, c'était bien oignon. Ah bon, d'accord, ok. Voilà, et puis enfin en sport, les frères Jonathan et Kevin Borlée disputeront la finale du 4x400 mètres des mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud vers 14h10. Et puis les Diables Rouges affrontent l'Azerbaïdjan ce soir en vue d'une qualification pour l'Euro 2012. Actuellement, la Belgique est deuxième de son groupe derrière l'Allemagne et devant la Turquie qui compte un match de moins que nos Belges. 6h33 et on fait un tour du côté de la météo maintenant qui finalement sera bonne normalement hein, d'après ce que j'ai vu. Alors oui, bah ça change d'heure en heure. Non, mais ils sont relous, j'ai regardé exprès hier RTL, soleil c'est génial. Ouais. Et à partir de lundi encore un peu de soleil, un peu moins frais, un peu moins chaud mais soleil. Je regarde RTBF. Ouh là là, beaucoup de pluie à prévoir. C'est quoi ton problème? Il faut essayer de prendre un peu. Bah, moi, je suis restée sur ce qui était juste pour l'instant. C'est qu'il y a de la dissipation de la brume matinale, bien sûr. Le soleil, normalement, va s'imposer. Mais cet après-midi, c'est surtout le sud du pays qui va être envahi par les nuages. Et une petite averse et même quelques coups de tonnerre sont à prévoir. Bon, température toujours jusqu'à 28 degrés. Ce week-end, demain devrait être une journée agréable. Et on attend normalement le retour de la pluie pour dimanche. D'accord. De toute façon, je suis pas là, donc ça tombe très bien. 6h34 dans un instant. Dans un instant, c'est la fois en plus. Fun Radio. Mais même tout de suite d'ailleurs. Alors je trouve ça assez rigolo. Ikea, bon le magasin que tout le monde connaît, hein, les meubles en kit. Non, on connaît pas personnellement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un grand magasin qui marche très très bien. Tu vas là-bas, tu peux acheter des meubles pas trop chers parce que tu les montes chez toi tout seul à la maison. C'est vachement sympa ça. Donc ce magasin très très grand. Le Picasso du meuble en fait. C'est voilà, c'est un peu ça. Eh bien Ikea vient de lancer Manland. C'est une crèche pour hommes. Où ceux-ci peuvent s'amuser pendant que madame fait les courses. Ça, c'est génial. Donc, quand je vais chez Ikea, qu'est-ce que je m'en mets? Ah, ben voilà, il y avait déjà une crèche pour les enfants avec toutes les petites boules là où ils peuvent s'amuser. Ben, Ikea maintenant a créé une crèche pour. Avec hommes. Que des gonzesses. Voilà, non. Alors, là, c'est un petit paradis avec évidemment des consoles de jeux, des flippers, télévision qui retransmettent les matchs de foot et même des hot dogs au cas où ces messieurs auraient un petit creux. Bien sûr, ben, ils ont raison. Ouais. Et donc, ce premier Ikea est testé cool, actuellement à Sydney durant 4 jours à l'occasion de la fête des pères. C'est la fête des pères dimanche là-bas. Ah, franchement, c'est sympa. Donc voilà, ça, je trouve ça assez mignon comme info. Ah bah ouais, non, franchement c'est bien. Hein. Moi je suis pour. Hein, ah ouais, pour. Vraiment ouais. Ouais. Toi qui as trouvé une meuf juste pour aller là-bas. Ouais, si on peut avoir des hot meufs qui nous attendent. Je voyais bien qu'ils cherchaient une vanne. Ouais, je l'avais déjà depuis longtemps, mais je me disais est-ce que je la fais. Si tu pouvais. 6h35 sur Fun Radio. La censure va accepter. L'info revient à 7h. Et puis bon, on va s'écouter maintenant le son de Lucenzo, et Don Omar, c'est Danza Kuduro sur Fun Radio. Bon réveil. Lucenzo à l'instant sur Fun Radio avec Don Omar, Danza Kuduro. Ce soir, rencard également à partir de minuit pour l'Invasion Latina. C'est 100% son latino sur Fun Radio chaque vendredi, après Keep It Real avec Manu sur Fun. 6h38, bon réveil tout le monde. Et dans quelques instants, nous aurons la chance extrême d'écouter la ligne anti-relou de ce matin. Ligne anti-relou, tous les messages que vous avez laissés au 0473. Mais nous sommes privilégiés. 86, bien sûr, 86 0013. Mais avant cela, je vais vous rappeler la petite petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat HD. Alors attention, quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€ par message. Quelques bonnes réponses sont arrivées, bien évidemment. Ce n'est pas l'odeur. Il y en a un qui dit s'il n'y a pas de différence. Bah si. Sinon, je n'aurais pas posé la question, évidemment. Bah, petit indice, il ne faut pas les mélanger. Oui, voilà, c'est ça. On proposait la taille et le trou. Voilà. Non, c'est pas ça non plus. Hein. On a une mauvaise réponse. Le buccal, on sait quand il a été anal. Oui, mais ah comment bah justement ouais. C'est un petit rapport, effectivement. C'est en général, quand vous mangez un truc, c'est, un... Ouais, j'ai c'est bon ou c'est pas bon. Est-ce quoi que je peux balancer un indice gros comme une maison? Vas-y toujours, tant que tu donnes pas la réponse. C'est un des cinq sens. Oui, voilà, c'est ça, oui, voilà. Ce n'est pas l'odeur. Donc, bon, à un moment donné, je crois que c'est quand même gros comme une maison. Ce n'est pas Louis non plus, d'ailleurs. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, il y a un écran plat HD à gagner. Et puis, on va parler maintenant de la belle J-Lo. Oui. Bah oui, Jello, effectivement. Apparemment, Toff est très très très remonté. On en a parlé un peu en antenne et Toff est vraiment très très remonté. Sale pute. Voilà, il n'aime pas beaucoup et ça, c'est mal de dire ça à des gens. Voilà, c'est non, c'est moi vraiment je peux. Mal. Moi je peux. Tu peux dire, je n'aime pas beaucoup cette dame, mais tu n'es pas obligé de l'insulter. Enfin bon, en tout cas, Jennifer Lopez est en train de tourner un film avec Cameron Diaz, entre autres, et Cameron Diaz apparemment déteste Jennifer Lopez. Elle a bien raison. Elle ne la supporte moi, je pas. T'aime Cameron Diaz. Donc elles sont à l'affiche du film What to Expect When You Are Expecting. Okay. Et là, il se murmure what que What to Expect What You Are Expecting. Ouais, ouais, When You Are Expecting. Bon, okay. C'est pas moi qui choisis le titre. Hein. Non, bah c'est sûr. Donc il se murmure que Cameron Diaz serait ulcéré par l'attitude de diva de Jennifer Lopez. Non mais pour l'avoir déjà rencontrée, J-Lo, je peux vous dire qu'effectivement elle est pas facile. Bon ben voilà, bah non, apparemment elle a voulu sortir avec moi, je lui ai dit sors pas, non attends, tu rigoles ou quoi, chiante comme t'es, tu rigoles. Ah bah écoute voilà, écoute, elle, apparemment elle arriverait sur les tournages avec elle débarquerait avec un monde de fous, une armada de proches, des nounous, des coiffeurs personnels, et puis elle n'hésiterait pas à stopper le tournage pour suivre son régime et manger à heure fixe. Bien sûr, c'est normal. Donc ce serait une diva sur tous les plans, et donc ouais, elle n'est pas franchement appréciée sur les tournages de son. Ouais. Mais tu sais qu'elle a un porte chewing-gum. Elle a un porte chewing-gum, c'est-à-dire quand elle a fini son chewing-gum, elle le tend et il y a un assistant qui vient, qui l'enlève avec un mouchoir. Elle a les moyens, elle a raison. Voilà. Et elle a un mec qui est là juste pour lui dire quand il y a des marches devant elle. Parce qu'en fait, comme tu vois, elle est hautaine et qu'elle regarde les gens de haut. Non, mais t'es sûr que c'est elle c'est... Non, c'était pas une autre, ça c'était pas Maria Carré qui avait. Non. Ah, c'est enfin, Maria Carré, on a des dos aussi à vous raconter. J'ai des dos aussi sur Maria Carré. Peut-être que toutes les deux, elles en ont un, c'est possible. Et donc, elle a un mec qui est là et qui chaque fois lui dit de faire attention devant elle. Parce qu'il se passe des trucs. Bah d'ailleurs, on dit leur vie doit être tellement palpitante. Ah, ça doit être chiant, hein. Mais franchement, pour avoir rencontré aussi Marie Carré, elle est particulière. Mais enfin bon. Ah là là. Bon, dans un instant, on va se faire quelqu'un qui est vachement plus cool pour l'avoir aussi rencontré, décidément. Pitbull, dans quelques instants, avec Marc-Anthony, juste avant. Et tu es tellement Pitbull. Mais t'as vu un peu. Enfin, voilà, il a Pitbull tout leur numéro perso en plus. Hein. Non, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Bougez pas de là. C'est le morning jusqu'à 6h41. Je suis en train de parler là. Hein. Ouais, Homer. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Mais essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Oh. 6h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est vendredi le 2 septembre aujourd'hui et on fait un tour du côté des problèmes sur la route. Il y a un accident dans l'échangeur E40 à Köln-Liège en direction de Bruxelles avec le 42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Loncin. Et il y a déjà 1 km de file, ça c'était à un quart d'heure, donc je pense qu'il y a des grosses files qui vont se former à ce niveau-là. Donc si possible, éviter donc cet échangeur. Éviter le quartier, voilà. Éviter le quartier. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route aussi, un flash, un embouteillage, un accident, un bouchon tout simplement, 3044 hein, pour nous prévenir et pour du coup prévenir les autres auditeurs parce qu'on transmet l'info. Ou alors si vous avez un smartphone, vous me faites un mail tout simplement, mikl@funradio.be. Allez, le moment préféré des auditeurs maintenant. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, le monde sans relou, on l'espère chaque matin. Et chaque matin, ce n'est qu'un rêve. Oui, car chaque matin on se réveille et il y a encore des relous dans le monde. Et il y en a et il y en aura encore d'ailleurs. Chaque matin on écoute les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0473 86 00 13. Bon, on va écouter le premier invité de ce matin, c'est parti. Bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on dit en général. Mais bon, pour les messageries, c'est pas les gars non plus. Mais j'espère avoir de bonnes nouvelles parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Allez, au revoir, Yann. Le mec n'a pas envie de le rappeler quoi. D'accord. Bonne nouvelle, hein. C'est comme ça qu'on dit en général. Bon, et puis les messages sur la poteur, c'est un peu n'importe quoi, hein. Ah non, mais moi je sais plus quoi dire. Ah bah le mec, mais non, mais même si t'es le vrai répondeur de la fille, Je veux dire, le mec, il est déjà relou maintenant. Ah non, mais de toute façon, à chaque fois, les gars, ils pensent que c'est les vrais répondeurs. Donc à chaque fois, ça me fait très très peur. Ah oui, non, mais voilà. Comment mais... on peut croire qu'une fille va rappeler avec un message comme ça? Alors c'est que pas si on a un ton un peu pervers, Julie, elle rappelle tout de suite. C'est ouais, ça c'est le truc. Ça, ouais, ça ouais, vous ouais. savez maintenant. Alors, allez, Juliette. Deuxième message. Quoi? C'est pas vrai? Julie, elle a bon dos, Julie. Oh non, moi, c'est ce que j'ai vu comme info qui traînait sur Facebook. Apparemment, oui, tu rappelais les pervers. Oui, bah évidemment, bien sûr. Écoute, je sais pas, moi, comme quoi, hein, sur Facebook. Hein. Ah oui, comme quoi sur Facebook, oui. C'est ça. Hein. D'accord. Allez, deuxième message. Ouais, Sabrina, et tu es nouvelle! Tu es nouvelle! Je t'attends comme un petit gars, là. Ça fait. On avait dit rendez-vous devant le restaurant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas assez bien pour toi, c'est ça, mon ami. Aïe, aïe, aïe, j'attends tes nouvelles à ma cousinette d'amour. Non, ah non mais le gars il a pris des trucs là. Ouais, c'est ça, le mec était sous effet. Il est surexcité. Ouais, il a pris un peu de speed à mon avis je pense. Hein. Ou alors comme Top, ça fait 10 ans qu'il a pas touché une fille quoi. Ah, ça c'est possible également. Il en peut. C'est pas ça, vrai, c'est je touche tous les matins. Ah non, ouais, non, ça m'étonnerait. Bon, il aimerait bien peut-être. Hein, ça, oui, c'est ça. Oui, dans ses rêves en fait, donc, il rêve ça la nuit. Mais et donc le matin bien. Il pense que ça s'est vraiment passé. Mais non. Avoir des rêves c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans l'absolu. Allez, troisième message maintenant, écoutez, c'est le dernier message de Annie Antirelou de ce matin. Allô. Ça marche pas. Ah non, ça c'est sûr. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il dit ça marche pas. Oui, bah enfin, c'est pas la peine de le dire, raccroche à la limite et retente derrière. Hein. Donc c'était notre petit... On a un quota maintenant, le CSA nous impose un... Donc il y a les quotas de chansons françaises et puis après, il y a le quota mongol. Voilà, donc dans le répondeur, voilà, on a trois messages en répondeur et on est obligé, c'est une obligation, c'est légal, hein, de mettre un mongolien dans le tas en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est pas qu'on veut, hein, c'est qu'on n'a pas le choix. Non, mais on est forcé. On n'a pas le choix. Bon, bah, surtout qu'il y a beaucoup de relous qui sont un peu gogol. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça marche dans les quotas aussi, ça. Hein. Dans un instant, Pitbull avec Marc-Anthony sur Fun Radio. Et à 6h49, nous avons, j'espère, la bonne réponse pour repartir avec l'écran plat. Qui est là? Marie est là, 48 ans de Leuze. Marie de Leuze. Marie comment Ella. Ah, Maril. Marie est là. Ah, Marie est là. Elle est là, Marie? Oui, Marie est là. Très bien. Eh ben, Marie est là, tant mieux alors. Hein. Bon, alors, Marie est là. Tu as la petite réponse, du moins je l'espère. Quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? Marie est là. Eh bien, oui. Mais c'est la différence de température. Ça prend un degré de plus au niveau buccal qu'au niveau rectal. Alors, c'est tout ça est très scientifique. Mais tout ça est très scientifique et nous, on ils est sont un pas, peu cons, pas comme hein, ça. Voilà. Hein, on n'est pas entouré non plus de. Nous, on est à basique. Hein, tu vois, la voilà. Science, c'est bien, hein, mais regarde à la télé, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas tout à fait. Marie ça, est là, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, c'est pas celle qu'on attend. Marie est là, je suis sûr. C'est trop compliqué ça. Bonne journée à vous tous. Marie est là, Marie est là, Marie est là. Reste quand même là, on va t'offrir un petit cadeau quand même pour avoir participé. Quand même. D'accord. Bon, reste là, Marie est là, d'accord. Okay. Gros bisous Mariella, à bientôt. Bonne ciao, oui, bye bye. Oui, bon bah du coup, quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? Il y a toujours les écrans plats à gagner. Enfin, l'écran plat, on n'a pas 10 000 non plus. Hein. Un écran plat à gagner HD maintenant. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Le thermomètre rectal a un rebord pour pas se faire aspirer par l'anus. Peut-être, mais ce n'est pas bon, la allez, réponse moi, qu'on cherche. Je répète mon indice. Vas-y, je suis comme vite. Ça, moi, c'est un des cinq sens. Et ce n'est pas l'odeur. Allez, 63-22, bonne chance tout le monde. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle de ce matin. Quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? Oui, un rectal c'est dans l'anus, le buccal dans la bouche. On se doutait un petit peu de cette information-là. C'est un truc un peu plus particulier. Attends, mais alors, Julie a donné 150 000 indices à l'heure, là, on peut oui, pas là, faire mieux, là. Vous aide, hein. Là, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Enfin, il y en a qui sont bons, évidemment. On proposait le toucher. Non, ce n'est pas ça non plus, hein. Donc on sait que c'est pas l'ouïe, c'est pas la vue, c'est pas le toucher. Et on sait que c'est un des cinq sens, donc je crois que ça réduit bien, voilà. Là. C'est-à-dire moi, il que... y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est l'un est sonore pour le fion, l'autre pas. Merci pour cette information importante. Bon, voilà, on va dans un instant donner la bonne réponse. Écran plat à gagner HD, ça se passe au 63-22. Si vous avez la bonne réponse, on paiera vos factures aussi dans un instant. Et ça y est, donc Tof, tu t'es décidé enfin à reprendre les appels ce matin. Ouais, c'était pour bien finir la semaine, tu vois. Je me suis dit, bah, je peux pas rester comme ça. Non, ben on va appeler qui ce matin alors? Bah écoute, j'ai décidé de prendre la tête à des taxis. Tu vas leur faire quoi encore à ces pauvres taximans? Oh, rien de bien palpitant. Je vais juste leur demander s'ils peuvent conduire à l'école ma fille, parce que voilà, en fait, elle est unijambiste depuis que je lui ai roulé dessus en sortant du garage. Non, c'est horrible. Ouais, enfin, c'est pas très drôle surtout. Hein. Non, mais si en plus elle est incontinente et qu'elle est malade en voiture, et cerise sur le gâteau, en fait, si je la conduis pas, c'est parce que je suis chez ma maîtresse. Et que c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est j'avoue, la mais j'aime ça, j'aime ça. Bon, on appelle où alors? Allez, on appelle Abren. Abren quoi? Bon, Bren Laleu, allez. Bren Laleu, allez, ouais, parti, Laleu, allez. Ouais, on appelle le taxi maintenant, c'est parti. Allez. Voilà, 6h57. Et la foire. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous auriez pu emmener ma fille à l'école lundi matin. Il n'y a pas de problème, donne-moi l'adresse. Alors, donc je vous donne l'adresse. Alors, donc c'est rue de la Bâchée. Oui, rue de la Bâchée. Voilà, donc c'est à Plancenoit. À Lannes, hein? Non, à Plancenoit. Oui, pardon, Plancenoit, oui. Oui, voilà. Oui. Et donc, numéro? Pardon, 18. 18, oui. C'est pour aller? Pardon? C'est pour aller où? Ah, c'est pour l'emmener à l'école, en fait, hein, mais... Oui, parce que, enfin, moi, je connais pas l'adresse, mais elle vous la donnera. Hein. C'est à l'école à Bren. Elle va. Oui, c'est à Bren. Hein. Oui, pour savoir plus ou moins à Bren. Oui, pas de problème. Et pour quelle heure vous voulez que votre fille parte de la maison? Bah, écoutez, il faudrait qu'elle soit à 8h à l'école, donc si vous pouvez passer vers 7h, ce serait pas mal. Parce qu'en plus, il faut que je vous explique, elle est en chaise roulante parce qu'en fait, je lui ai roulé sur le pied un jour où je sortais du garage et donc du coup, elle a perdu un pied. Et donc moi je l'aurais bien emmené, vous comprenez, mais comme je suis en week-end avec ma maîtresse, je suis pas sûr d'être là à temps, hein, parce que bon, vous savez, elle est un peu parfois le matin, elle aime bien que je remette. Non, je comprends, monsieur, voilà. Pas de problème. Bon. Mais écoutez, si elle va être à l'école à 8h, si je la prends à 7h30, c'est bon, hein, c'est d'accord. Quart, hein. Ah bon, bah, si vous le dites, parce que 7h15, bon, va oui, parfait. À 7h15 chez vous, ça oui. Va? Très bien. Juste, je voulais juste un détail aussi, c'est que elle parfois, donc elle est un peu incontinente. Donc si vous pouviez prévoir un plastique pour mettre sur le fauteuil, ce serait. Ah, ça, j'ai pas, monsieur. Hein. Ah oui. Oui, parce que bon, ça m'ennuierait parfois, il lui arrive comme ça, vous savez, dans des moments de grand stress, comme c'est la rentrée. Et donc voilà, je voudrais pas que vous ayez. Ah oui, tout à fait, oui. Ça va coûter cher, ça. Elle n'a pas un sac, elle n'a pas de... C'est pas moi, elle n'est pas prête avec ça. Nous, on n'a pas un taxi. Ah oui, non, c'est pas... C'est juste qu'il faudrait... Donc, vous prévoyez juste un plastique, hein, vous mettez une petite bâche... Oui, mais j'ai pas ça, monsieur. Oui. C'est rare qu'on a des cas un peu comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais vous comprenez... Si j'avais pu, j'y aurais été moi, mais bon, voilà, vous comprenez, je suis retenu, non, quoi. Non, c'est difficile. Oui, oui. Oui. Excusez-moi, j'ai un... Oui. Comment... Ah bah il est parti. Bon, en tout cas ça a pas l'air d'avoir dérangé autre mesure. Hein. Ah ici quand même le fait qu'elle puisse pisser sur c'est le fait qu'elle puisse pisser sur son siège. Ah oui ça va coûter cher monsieur. Ah bah oui on imagine bien. Mais attends mais à la fin il est parti comme ça. Ah bah qu'est-ce qu'il avait une cliente. Il avait une cliente derrière qui était en train de demander ça va coûter combien. Parce qu'à mon avis il devait être au téléphone avec le compteur qui tourne. Ah oui d'accord. Et ça a pas dû la faire rire. On revient dans un instant avec l'info sur Fun Radio et avec la réponse également à la petite devinette qui colle. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Il est 7h01 sur Fun Radio. Dans un instant, l'info. On vous paiera également les factures. Ça va arriver d'ici quelques instants, dans moins de 10 minutes. On appelle peut-être chez vous pour vous rembourser vos factures si vous voulez vous inscrire. 63-22. Vous débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. 123 € pour Blacom, 171 € pour l'assurance habitation, 1000 € pour une liposuction. C'est Sharon. Oula. Ah, ça fait cher la liposuction. Hein. 375 € pour la réparation de la voiture. Bref, on va tirer au sort dans quelques instants. 7h01 maintenant, l'info avec Julie. Salut à tous. L'Europe dément vouloir mettre en garde la Belgique. La Commission européenne a dit avoir pleine confiance dans le gouvernement d'affaires courantes en réaction aux informations révélées hier dans les médias. Pour rappel, la rumeur disait que la Commission européenne était sur le point de hausser le ton et que l'Europe comptait lancer à la mi-septembre une mise en garde officielle à la Belgique et qu'il nous fallait un gouvernement très vite. Les banques belges restent vulnérables, mais il ne faut pas paniquer. C'est ce qu'a expliqué le gouverneur de la Banque nationale Luc Couneux sur la situation du monde bancaire dans le contexte actuel de la crise financière. Le problème se situe surtout au niveau de la liquidité. Des problèmes de liquidité qui s'éternisent pourraient donc conduire à des problèmes de solvabilité. Les banques ne pourraient donc plus payer. C'est pourquoi il est urgent que le problème grec soit réglé. Attaque à main armée dans une pharmacie à Waterloo. Deux individus ont fait irruption vers 17h50 hier dans une pharmacie située dans la Drève-Richelle. Ils se sont sont emparés du contenu de la caisse estimée à quelques centaines d'euros avant de prendre la fuite. Les deux vendeuses qui se trouvaient dans la pharmacie n'ont pas été blessées, mais se trouvent en état de choc. Geneviève Lhermitte réclame de l'argent à son psychiatre. Geneviève Lhermitte, condamnée à la réclusion à perpétuité en 2007 pour avoir tué ses enfants, eh bien elle réclame 3 millions d'euros à ce médecin pour faute professionnelle. Elle estime que son psychiatre a commis une faute en ne prenant pas en compte la lettre qu'elle lui avait envoyée la veille du drame. Elle y faisait part de ses pulsions meurtrières. 15 milliards pour la Libye. Nouvelle, la communauté internationale a mis au point à Paris une feuille de route pour les nouvelles autorités de Tripoli. 15 milliards de dollars ont été dégelés contre la promesse de démocratie, de stabilité et de réconciliation. Dans le même temps, les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France et de l'OTAN ont annoncé que les opérations militaires internationales se poursuivraient tant que Kadhafi demeurerait une menace. L'Italie, un pays de merde. En tout cas, d'après Berlusconi, le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a qualifié en juillet dernier son pays de pays de merde selon des écoutes réalisées sur le numéro de téléphone d'un de ses proches. Et ces mots exacts étaient quand même « on peut dire moi que je baise, c'est la seule chose que l'on puisse dire. Dans quelques mois, je m'en vais pour m'occuper de mes oignons. Ailleurs, je m'en vais de ce pays de merde qui me donne envie de vomir. » Les Italiens doivent apprécier. Ah bah c'est ça. Sinon, ils peuvent venir ici. Il n'y en a pas de gouvernement. Toff serait ministre de Berlusconi. Ah ben, bah, attends. Ah ben, bah ça ne m'étonne pas, tiens. Avec toutes les petites affaires qu'il a. Attends, moi, c'est... Ça, c'est clair. C'est un peu son mentor. Hein. Je serais, ah oui, je serais un très, très bon ministre sous Berlusconi. Ah ben, bah ça ne m'étonne pas, tiens. Je pourrais participer aux soirées Bunga Bunga. Ouh là là là là là là. C'est ça, tout un programme. Bon, merci pour tout ça. Bon, et puis enfin, en sport, les frères Jonathan et Kevin Borlé disputeront cet après-midi la finale Oh, t'as fini un peu. Disputeront la finale du 4x400 mètres des mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Et puis ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Azerbaïdjan en vue d'une qualification pour l'Euro 2012. Oh, ça va bien se passer. 7h04, la météo maintenant. Alors, ça va peut-être moins bien se passer, ça. Oui, ben, on sait pas trop. Belle journée ensoleillée normalement, mais cet après-midi, les nuages seront plus présents, surtout sur le sud du pays. Une petite averse et quelques coups de tonnerre sont même à prévoir. Température jusqu'à 28 degrés. Et ce week-end, samedi devrait être une journée agréable et le retour de la pluie est attendu pour dimanche. Très bien. Dans un instant, l'info en plus, c'est dans 30 secondes et on paiera vos factures également. 63-22, débutez le message par facture avec votre, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. C'est 1€ par message. Dans 5 minutes, on appelle peut-être chez vous. Fun Radio. Fun Radio. C'est l'heure de l'info en plus maintenant. Alors c'est une petite info que j'ai été chercher pour Toff. Ah, alors Toff, rassure-toi, je sais que tu as un gros problème avec les filles. Ah, je crois que t'as dit autre chose. Non, un gros problème avec les filles. Je sais que tu as un gros problème. Non, rien du tout. Voici venue la Love Academy. Ah, c'est bien ça. Eh bien, c'est une académie qui a été créée pour donner des cours de drague. Ah ouais. Et donc Christophe de Chavannes planche sur un nouveau projet qui va tenter de venir en aide aux célibataires les plus endurcis. Donc c'est une des caméras de télévision qui vont suivre ces célibataires prêts à tout pour rencontrer l'amour lors de la formation à la Love Academy. C'est donc, pas mal. Évidemment pour moi, les producteurs. Je cherche pas à rencontrer l'amour, je cherche à faire l'amour. C'est pas tout à fait. Ah ben écoute, à un moment donné, il faut passer par rencontrer déjà une âme sœur. Mais on s'est déjà rencontrés. Ah non mais non. Moi je suis très amoureuse de mon amoureux, donc ça va pas être possible. Je suis désolée, mais il y a sûrement plein d'autres filles dans le monde qui t'attendent. Sûr, tu dois avoir des copines célibataires. Ah ben non, malheureusement, elles sont toutes casées. Quel dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. On attend avec impatience quand même de découvrir les premières images de la Love Academy parce que ça doit quand même probablement être un peu une bande, pas tous, mais quelques relous qui doivent être. Ah oui, il doit y avoir des cassos là-dedans. Il y a aussi des grands timides, hein, ça c'est pas de leur mais faute. Bon, mais ça peut être un bon plan pour les célibataires. Hein. Ouais, donc je pense qu'on va. Ouais, ça c'est un bon plan. Ah oui, Toff avec Christophe de Chavannes, c'est pour bientôt. Bon, on a qui maintenant pour la réponse à la question, à la devinette qui colle là. Nous avons Manu, a un âge certain et qui appelle de Namur mais qui travaille à Bruxelles, 30 ans. D'accord, ok, très bien. Salut Manu de Namur, 107.5 pour écouter le fun à Namur, ça va bien ? Salut à Bruxelles. Ouais, ça va bien, ouais. Bon, mais t'habites à Namur et tu travailles à Bruxelles, c'est ça ? Ouais. Voilà, c'est ça. Comme j'étais en voiture, bah, j'ai pu vous entendre, t'es répondu à la devinette, quoi. Ah bah voilà, bah c'est une bonne. Attends. Parce que répondre à la devinette, il y en a beaucoup qui ont répondu, mais à côté, hein. Donc, attention, ouais. Quelle est la différence ? Oui, côté au début, mais... Ouais, quelle est la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal ? Ah ben c'était le goût. Exactement, oui, tout à fait, en toute simplicité. Et bon appétit. Et voilà, exactement, oui. Bon appétit, bon petit-déj. Bon petit-déj. Il n'y a pas de problème. Enfin, ça te permet de repartir avec un écran plat, hein, donc c'est quand même pas non plus. Hein, c'est quand même plutôt sympa. Super, bon, ben je t'en prie, bah, salut à toi et puis passe une bonne journée, Manu, à Bruxelles. Ah, merci, bah, vous aussi, merci beaucoup. Je suis super content, quoi, franchement. Ben, j'imagine, j'espère. Bon, salut Manu, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao à toi, bye bye. Et on remet encore des cadeaux en jeu maintenant avec la petite question qui colle maintenant. Un Américain a été arrêté pour avoir eu des rapports sexuels. Oui, mais avec qui ou quoi? Oh non, ça me fait peur là. Là aussi, si vous avez, ça se passe dans l'Ohio pour être précis. Enfin, si vous avez, si vous avez, non, pas du tout, on n'est pas comme ça. Non. Si vous avez la bonne réponse, 63,22 euros par message. Là aussi, il y a des cadeaux pour vous. Je répète la petite question. Un Américain a été arrêté pour avoir eu des rapports sexuels. Oui, mais avec qui ou avec quoi? Les Black Eyed Peas. On va écouter maintenant le son de Pump It sur Fun Radio à 7h08 et on paye vos factures juste après. Le son des Black Eyed Peas sur Fun Radio. C'était Pump It. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est en toute simplicité que ça se passe. Il suffit de s'inscrire au 63-22 par SMS. Débutez ce message par facture. Vous mettez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Hein, par exemple, 100 euros pour une table de poker. Bonne journée. Bah, bonne journée à toi aussi. 167 euros pour la fourniture, et ça tombe très, je sais pas, pas bien compris le message. 250 euros pour les stères de bois, 175 euros pour un site trip anniversaire surprise, 230 euros pour le crédit auto, c'est Fabien, 300 euros pour Mobistar, 352 euros pour le revenu cadastral, le précompte immobilier à 877 euros, bien cher tout ça, hein. 329 euros pour un lave-linge, 115 euros pour Bellecom, les frais d'hôpital 121 euros, 350 euros pour un achat de bureau. Ah oui, quand même, hein, quand même, ça dépense, ça dépense. Bon, on va rembourser combien là? 38 euros pour une facture va. Base. Ah, base. Moi, je dis un petit coucou à Steph qui nous envoie plein de messages. C'est celui qui nous a apporté. Bonjour, vous êtes en contact avec la boîte à messages de... Oui, on embrasse 0, Steph. 4. Ah oui, c'est dommage pour la facture là. Bon, bah tant pis, hein. Oui. Oui, bah oui, encore une fois, tant pis. Hein. Restez près de votre téléphone, quoi. Oui, encore une fois, tant pis. Prêtez votre message après le signal sonore. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Mais c'est ce qu'on va faire. Au revoir et merci. Mais oui. Allô, bonjour, bonjour, c'est Mickaël. Tu étais en direct à la radio sur Fun Radio, 7h13 ce vendredi 2 septembre. Et on t'appelait pour te rembourser ta facture base. Malheureusement, tu n'es pas là, en tout cas, tu n'as pas décroché en tout cas. Bonjour, le téléphone est déjà coupé et on appelle trop tard. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est possible aussi ça. Donc du coup, bah, dans le fion, c'est le cas le dé, hein, pour les 38 euros, mais c'est pas grave. Alors j'ai décidé une nouvelle règle, comme hier on a fait 3 échecs total. Oui, 3 échecs. 3 échecs. 3 échecs directement. J'avais dit, dernière fois, ah ben, on appellera que ceux qui sont inscrits, qui s'inscrivent maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais pas refaire le jeu avant 8h10, on va laisser le jeu à 8h10, mais quand il va y avoir un échec, l'heure d'après, je ne prendrai que ceux qui s'inscrivent entre maintenant et le moment où on appelle. Oui, il faut avoir docteur explique tout ça parce que je crois que tout le monde a Non, mais d'habitude, je choisis parmi tous ceux qui s'inscrivent, que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, peu importe, on tire au sort. Et donc là, maintenant, vu que ça n'a pas décroché, ça n'a pas décroché, donc c'est un échec, je vais téléphoner. Il a décrété. Oui, que aux gens qui s'inscrivent entre maintenant, 7h14 et 8h10. Ok, donc en gros, balancez vos messages maintenant, les gars. Non, c'est surtout que vous avez plus de chance puisqu'il y aura moins de monde, forcément. Bah, c'est logique. Pour ça que voilà, donc 63,22, vous débutez le message par facture maintenant et vous aurez forcément plus de chances qu'on vous appelle tout à l'heure à 8h10 pour le deuxième essai dans les factures. 63,22, c'est 1 euro par message, débuté par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. 7h14 et dans un instant, LMFAO. LMFAO avec Natalia Kills, Champagne Showers. Pour être bien, ça, une petite douche de champagne le matin. Ça réveille. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors, je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. En toute simplicité, évidemment. 7h16 sur Fun Radio. Mickaël réveille la Belgique. Ce sera dans un instant. Si vous voulez jouer avec nous à Mickaël réveille la Belgique, allez réveiller vos voisins, votre famille, n'importe qui. Vous vous inscrivez maintenant. 3044, débutez le message par réveil. Et les MFAO maintenant à 7h17. C'est Champagne Shower sur Fun Radio. Bon réveil. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Il est 7h20 sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde si vous débarquez. C'est vendredi aujourd'hui, le 2 novembre. Le 2 septembre. Pourquoi Ouh là là, tu... le 2 novembre? Je sais pas. Peut-être parce que le temps est un petit peu dégueulasse ces derniers jours et tu te crois déjà. Ça doit être ça le problème. Bon, dans un instant, je vous répéterai la petite question qui colle. Mais avant cela, c'est l'horoscope et Doudou. Vous partez pas ce week-end, Doudou? Oh là là, non, ce week-end, je reste à la maison. Ah bon, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Ah si si, tout va bien, c'est juste je fais une petite opération tout à l'heure. Alors rien de grave quand même. Oh non non non, je me fais retirer une petite boule qui pend derrière mes fesses comme ça. Ah oui d'accord, bah c'est très bien. Bon on veut pas plus de détails hein. Non, on veut en même pas temps plus je suis con de demander hein. Oui ça c'est un petit peu de ta faute. Je suis confus. Bon les béliers. Ça me fait un peu mal quand je m'assieds, c'est ça le problème. Bah oui, j'imagine bien. Alors, bon, les béliers. Ce soir, vous avez mérité une récompense pour le dû labeur fourni. Très bien, oui, c'est vrai. Les taureaux. Il faut oser car ça qui ne fait rien n'a rien. Les gémeaux. C'est certes bien de rêver, mais il ne faut pas s'y perdre. Les cancers. Votre sensibilité va vous aider à trouver une solution à une crise sentimentale grave. Eh oui, ça peut arriver à tout le monde, hein. N'est-ce pas, Doudou? Bah oui, bah oui. Bien sûr. Je pense que les concernés se sont pas reconnus. Les lions. Aujourd'hui, vous manquez d'énergie et vous traînez un peu la patte. Les vierges. Les lions traînez la patte. Non, oui, c'est bon, on a compris. Les vierges. Allez de l'avant avec intelligence et ne foncez pas tête baissée. Les balances. Vous ne pourrez pas changer votre partenaire, alors faites avec. Bah si, on peut dans l'absolu, mais enfin bon. Les scorpions. Vous n'avez aucune raison de voir les choses en noir. Les étoiles ne peuvent pas être plus favorables. Les sagittaires. Un vent nouveau dans une relation n'a jamais fait de mal à personne. Les capricornes. Vous vous sentez aujourd'hui démotivé et sans entrain. Mais courage, ça va s'arranger. Les verseaux. Évitez le stress et faites du sport ce week-end. Les poissons. La déesse de l'amour est à vos côtés et vous offre des moments inoubliables d'amour. Bon, bah, très bonne alors, nouvelle. Mettez beaucoup de lubrifiant. Mais, oh, merci, Doudou. Bon, à tout à l'heure, Doudou. On vous retrouve dans une heure. Oui, d'accord, avec bon, plaisir. Bon, parfait. Et je vous rappelle brièvement aussi la petite question qui colle. Question qui colle pour repartir avec des cadeaux, bien entendu, comme d'habitude. La question qui colle est donc dans. Un Américain qui a été arrêté pour avoir eu des rapports sexuels. Oui, mais avec qui ou quoi? Un indice, ça peut s'utiliser dans une piscine. Ouais, pour bronzer. En général, oui, voilà, pour boire pour un petit se verre, reposer. Tout ça, pour se reposer ou pour jouer, en fait, tout simplement, voilà. La bonne réponse au 63-22, et on écoute le son maintenant, bon, on en parlait tout à l'heure, tiens, la copine de Toff, J-Lo maintenant, Jennifer Lopez à 7h23, Papy sur Fun Radio. Le son de J-Lo à l'instant, la belle Jennifer Lopez, n'est-ce pas Toff? Ouais. Moi, tu vas être désagréable. Beaucoup, beaucoup, mais oui, bien beaucoup. Sûr. C'était Papy sur Fun Radio. Il est 7h26. Bon réveil, tout le monde. Et puis, on va donner la réponse maintenant à la petite question qui colle. Qui est avec nous pour la question qui colle? Julie, 25 ans, qui aime le chocolat et les beaux étalons, puisqu'elle part en Provence. Ah, oh, c'est beau. Salut, Julie. Julie. Non, t'es plus en attente, Julie. C'est là, Julie. Oh, c'est pas facile. Peut-être, je pense que tu me parles à moi, mais ce n'est pas le cas. Julie, qui est au standard. Qui veut répondre à la question? Julie, une fois. Julie, elle est là, deux fois. Oui, elle est là, ah, voilà, ah bah quand même. Donc tu n'es plus en attente depuis au moins 30 secondes. Hein. Allô. Oui, allô Julie. Ouais, mais elle est déjà en Provence. Ah ouais, elle est déjà en vacances là. Bon, Julie, 25 ans. Comment ça va, Julie? Je vous entends très mal. Oui, bah nous aussi. On a bien compris. Je peux donner la réponse? Oui, vas-y. La exactement. Voilà, bien joué, exactement. Trop forte, les Julie. C'est Charles Edwin Tobeda, voilà, 32 ans, c'est un mec qui habite à Hamilton dans l'Ohio. Et donc il a été arrêté dimanche après une plainte de ses voisins. Il était en train de faire l'amour à un matelas gonflable dans sa piscine. Voilà, c'est sympa, c'est original. Donc Julie, bravo à toi. Avant de partir en vacances, on va t'envoyer les cadeaux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne te reprends plus maintenant parce qu'on n'entendait rien. Mais ce n'est pas grave. Dans un instant, la petite devinette qui colle, ne bougez pas. Et le son de David Guetta va arriver aussi sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. C'est Fun Radio, il est 7h30 et avant d'aller attaquer les infos directement avec Julie, la petite devinette qui colle. Exclusivité mondiale aujourd'hui puisque Toff et Julie ne sont pas au courant de la devinette. Je n'ai pas fait valider et on a très par peur. Julie. Enfin, moi personnellement, voilà. J'ai très peur. Écran plat à gagner, HD, attention, écoutez bien. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Et on l'a pas déjà fait celle-là? Ah non. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63,22, c'est 1€ par message. Mais il y a quand même un écran plat à gagner. Écran plat HD, je répète la petite énigme qui colle. Enfin, devinette qui colle. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers? Qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir? Donc il y a eu qu'un là. Et donc je recommence parce que je l'ai mal lu. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers? Qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir? Et qui goûte après usage? Voilà. Écran plat à gagner HD. Si vous avez la bonne réponse, 63,22. 7h31, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. L'Europe dément vouloir mettre en garde la Belgique. La Commission européenne a dit avoir pleine confiance dans le gouvernement d'affaires courantes en réaction aux informations révélées dans le journal Le Soir hier. Pour rappel, le quotidien disait que la Commission européenne était sur le point de hausser le ton et que l'Europe comptait lancer à la mi-septembre une mise en garde officielle à la Belgique. Geneviève Lhermitte réclame de l'argent à son psychiatre. Geneviève Lhermitte, condamnée à la réclusion à perpétuité en 2007 pour avoir tué ses 3 enfants, eh bien elle réclame 3 millions d'euros à ce médecin pour faute professionnelle. Elle estime que son psychiatre a commis une faute en ne prenant pas en compte la lettre qu'elle lui avait envoyée la veille du drame. Elle y faisait état de ses pulsions meurtrières. Attaque à main armée dans une pharmacie à Waterloo. 2 individus ont fait irruption hier soir dans une pharmacie située dans la Drève-Richelle. Ils se sont emparés du contenu de la caisse, estimé à quelques centaines d'euros, avant de prendre la fuite. Les 2 vendeuses qui se trouvaient dans la pharmacie n'ont pas été blessées, mais se trouvent en état de choc. Et puis les facteurs de Braine-l'Alleud ont repris le travail. Ah bah, il est dedans. Oui, réunis en assemblée générale ce matin, les facteurs qui étaient en grève depuis mardi matin ont décidé de reprendre le travail. Le courrier sera donc de retour dans les boîtes aux lettres des communes desservies par le centre de tri brennois, c'est-à-dire Braine-l'Alleud, Tubize et Waterloo. Moins de jeunes fument, mais ils sont plus accros. L'an dernier, 13% des jeunes de 10 à 17 ans déclaraient fumer. Et si la part des très jeunes fumeurs continue à baisser, ils fument plus, donc leur consommation augmente. En moyenne, les jeunes ont 13 ans lorsqu'ils essayent leur première cigarette et les fumeurs fument en moyenne 12,7 cigarettes par jour, alors que par exemple en 2008, ils en fumaient 7,5. Et puis l'Italie, un pays de merde, en tout cas d'après Berlusconi. Le chef du gouvernement italien Berlusconi a qualifié en juillet dernier la péninsule de pays de merde selon des écoutes réalisées sur le numéro de téléphone d'un de ses proches. Les Italiens doivent apprécier. Et puis enfin en sport, les frères Jonathan et Kevin Borlée disputeront la finale du 4x400 mètres des mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud. Ce sera cet après-midi vers 14h10 et puis ce soir les Diables Rouges affrontent l'Azerbaïdjan en vue d'une qualification pour l'Euro 2012. Ça va aller, ça va aller. 7h33 sur Fun Radio, la météo. Belle journée ensoleillée pour une partie du pays. Par contre, cet après-midi, les nuages seront plus présents sur le sud de la Belgique. Une petite averse et même quelques coups de tonnerre sont à prévoir. Température jusqu'à 28 degrés. Demain, normalement une journée agréable, mais dimanche, le retour de la pluie. Très bien, l'info en plus, c'est maintenant Fun Radio. Fun Radio. À 7h34, il y a des bonnes réponses bien drôles qui tombent par rapport à ma devinette qui colle. D'accord, je n'ose imaginer. Je vais les lire dans un instant. Alors moi j'avais repéré un petit truc assez drôle que je trouvais, c'est le magasin Ikea qui a lancé une crèche. Ça, mais très très fort. Une crèche un petit peu particulière. Bon, on sait que dans chaque magasin Ikea, il y a une crèche pour les enfants, oh, avec les fameuses bien... grosses boules. Mais oui, quand j'étais petit, c'était voilà. Cool. J'étais content d'aller chez Ikea. Adoré aller chez Ikea quand on était petit. Et bien maintenant, les hommes vont adorer également aller chez Ikea parce que Ikea a lancé le Manland. C'est une crèche pour hommes, pour c'est que énorme, eux j'adore. Puissent s'amuser quand madame fait avec les courses. Avec que des gonzesses, des prostituées. Non, à se calmer tout de suite. Alors, avec que des jeux, des consoles, des flippers, des télévisions qui retransmettent évidemment les matchs de foot, même des hot dogs si ces messieurs ont faim. Et le premier, Manland, est actuellement testé à Sydney durant 4 jours. C'est à l'occasion de la fête des pères qui se fête là-bas dimanche. Oh, mais franchement, c'est un très bon délire. Hein. Comme quoi, le concept, c'est toujours autour des boules. Quoi. On peut voir voilà, ça comme ça. Ouais. Voilà. Bon, allez, plein de messages qui sont arrivés par rapport à la petite devinette qui colle. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers? Qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir? Et qui goûte après usage? On proposait un sexe. Évidemment, c'était une réponse que j'attendais, mais ce n'est pas la bonne. Un tuyau d'arrosage, c'est Martine. Non, c'est pas ça. Un robinet, c'est pas ça. Une toilette. Une planche de toilette. Une lunette de toilette. Non, c'est pas ça. Un interrupteur. Alors, qui goûte? c'est, faut s'inquiéter maintenant. Hein. Si t'as un interrupteur qui goûte quand tu l'utilises, c'est qu'il y a un problème. Hein. Tuyau d'arrosage, c'est pas ça. Les toilettes non plus. Le robinet non plus. Lunettes de toilette, c'est pas la bonne réponse non plus. Le sexe non plus. Hein. Et vous pouvez écrire sexe ou n'importe quelle manière de l'écrire. Ce n'est pas la bonne réponse quand même. Hein. Et on l'a pas mal utilisé ces dernières semaines. Oui, ah bah, ça je confirme, effectivement. 60 jours. Ouais, on l'a utilisé pendant 60 jours. Ouais. C'est dingue. C'est, sur et deux on mois, risque de l'utiliser encore aujourd'hui. Ah bah, l'hiver arrive, donc c'est clair. Hein. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers? Qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Bonne réponse au 63-22. Il y a un écran plat, bien évidemment, HD à gagner. Et David Guetta qu'on écoute maintenant avec Little Bad Girl sur Fun Radio. Il est 7h36. Bonjour et bon réveil tout le monde. Oh yeah, they tell me I'm bad girl. David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Little Bad Girl. Il est 7h39 sur Fun Radio. Et restez bien là, puisque attention, demain soir, il y a un match de foot du Sporting Charleroi qui va rejouer évidemment. Et j'ai des places à vous filer, places en VIP. Alors j'ai des places normales, ça vous allez pouvoir les gagner aussi. On en a plein, donc faites-vous plaisir. On en a plein à vous faire gagner. Et aussi, j'ai des places donc avec le VIP, c'est-à-dire le parking. Vous avez la place en business, donc vous verrez mieux le match. Vous serez avec les stars, vous serez avec le top du top, la crème de la crème. Une fois plus agréable d'aller voir un match de foot comme ça. Quoi. Ah, ça c'est clair. Voilà. Donc si vous voulez gagner ces places, c'est facile. Vous vous inscrivez dès maintenant. 63-22. Débutez le message par Sporting avec vos coordonnées complètes. Et puis bah, nous, tout simplement, on vous tire au sort dans quelques instants. Et avant 8h30, eh bien, on appellera des gagnants, ceux qui gagneront les places normales. Et à 9h, on appellera le gagnant qui repartira avec ses deux places VIP pour aller assister au match du Sporting Charleroi. C'est demain soir aux alentours de 20h si mes souvenirs sont bons, mais je peux peut-être me gourer sur l'heure, hein, donc vous fiez pas trop à ça, mais enfin bon bref, en tout cas ce sera demain quoi qu'il arrive, le Sporting Charleroi qui va jouer et les places à gagner au 63-22, débutez le message par Sporting. Voilà, on refait un tour du côté de ma petite devinette qui colle là ce matin, la petite devinette qui colle, je vais la reposer maintenant pour gagner un écran plat HD. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Alexandre répond le dentifrice. Non, un tire-bouchon. L'idée n'est pas bête. Non, c'est pas bête, mais on l'a beaucoup utilisé ces dernières semaines. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, parce qu'on a eu un été bien pourri. Voilà, et ceux qui sont partis en vacances ont pu utiliser, comme le proposait je ne sais pas qui puisqu'il n'a pas signé, un tube de crème solaire. C'est vrai aussi, la tige de la chasse d'eau, ce n'est pas ça non plus. Une machine à café. Oui, mais elle se lève pas la machine à café quand on a besoin. Enfin, si, pour mettre éventuellement le café dedans. Mais enfin, moi, sinon... j'aimerais bien qu'elle se lève, ma machine à café, qu'elle vienne jusqu'à mon lit. Ouais. Tiens, je t'ai pris du café. C'est vrai. Un jour, peut-être, tu sais, tout est possible. Qui sait, on sait pas. On proposait un sexe, non, c'est pas ça. Bon, on revient dans un instant avec la réponse. Et vous, probablement, on va faire un tour du côté du trafic aussi. Et puis, bien entendu, la ligne anti-relou sur Fun Radio, c'est juste après ça. Restez bien là. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun à la radio, sur Fun Radio. Et restez là dans un instant sur Fun Radio, le son de Britney Spears. Avec I Wanna Go sur Fun Radio, mais avant ça on fait un tour du côté des routes. Alors qu'est-ce qui se passe sur la route, Julie? Hop là. Alors forcément bah, vous ralentissez pour rejoindre la capitale. Bon, ben ça, oui. On l'aura compris, c'est bien la rentrée. Ça y est, c'est fait. Et encore lundi ce sera pire parce que là vraiment lundi on pourra dire c'est bon, tout le monde démarre quoi. Ouais, exactement. Parce qu'il y aura les humanités, etc. Et puis ce matin il y a un accident sur le 314 Erlen, donc ça venait des Pays-Bas, en direction de Lumen à hauteur de Genk. Mais qui reste chez eux quand même. Et le passage est difficile, il y a des grosses files à cet endroit. Quoi. Bon, faites gaffe si vous êtes sur la route. Et si vous êtes témoin d'un problème, que ce soit un radar, que ce soit un embouteillage, un bouchon, un accident, dites-le nous 3044 par SMS et puis nous on transmettra évidemment à tous les auditeurs. Et si vous avez un smartphone, eh bien vous pouvez le faire à ce moment-là gratos, c'est sur mikael@funradio.be. 0473 86 00 13. Yo, c'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. Voilà, en toute simplicité. Et d'ailleurs, le premier client de ce matin de cette ligne anti-relou qui est faite pour vous. Qui est faite pour vous, les filles. En plus, c'est vendredi. Retenez bien ce numéro puisqu'il faut le donner à tous les relous que vous allez croiser qui sont là en train de vous prendre la tête pendant que vous êtes en soirée avec des copines et qui sont relous. En fait, finalement, c'est un peu ça. Ça marche aussi au niveau des mecs, mais un peu plus rarement malgré tout. Numéro à retenir, 0473 86 00 13. Écoutez, premier client de ce matin. Bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on dit en général. Ah oui. Bon, pour les messageries, c'est pas les gars non plus. Mais j'espère avoir de vos nouvelles parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Allez, au revoir. Yann. Voilà. Ça donne pas super envie de rappeler, non, quoi. C'est clair. Un petit peu du n'importe quoi. Oui, c'est un petit peu du n'importe quoi ici. Non, mais déjà, dès le début, t'as pas envie de le rappeler, le mec. Ah non, oui, bon, non. Alors, bonne nouvelle, comme on dit. Oh, tu sais, déjà, il te met la pression. Le gars, il drague une fille, elle lui file son numéro. Bon, d'accord, ok. Elle okay, c'est un faux, faux numéro. Mais bon, il est pas censé le savoir. Le c'est pas vraiment un faux. Non, mais c'est le nôtre en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment le sien, c'est plutôt ça. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, Sabrina, et tu on avait dit rendez-vous devant le restaurant, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas assez bien pour toi, c'est ça, voilà. Je crois que c'est ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, allez, j'attends tes nouvelles, ma cousinette d'amour. Mais je crois qu'il doit y avoir un problème à ce niveau-là aussi. Alors il a mangé un truc palette. Hein. Voilà, c'est ça. Et comme les champignons. Voilà, et comme vous le savez maintenant, nous avons un quota de relous. Un peu débile. Oui, de relou mongol. Oui, enfin des relous. Voilà, un peu débile, je cherchais un deuxième nom, mais j'ai trouvé. Voici maintenant notre mongol du jour. Allô, allô, allô. Allô, allô. Oui. Ça marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Ah oui, ça marche pas bien. Et allez. C'est tout, d'accord. C'est donc un répondeur, le concept du répondeur, il c'est entend que. Oui, contrairement à ce qu'on dit, répondeur ne répond pas. Hein. Non, mais il entend. Et ça, il y a plein de gens qui font ça, ils entendent que c'est le répondeur, parce que voilà, il y a, le fameux message du répondeur, allô, il y a allô, le bip, et les gens, ils pensent qu'il y a quelqu'un. Enfin, c'est incroyable. Allô, allô. Faudrait qu'on appelle un jour le numéro de Julie pour voir ce que c'est son répondeur. Ah oui. Est-ce qu'elle fait la même connerie que tout le monde sur un téléphone portable, un GSM? Bonjour, je ne suis pas là pour l'instant. Si t'es là, techniquement, ton téléphone est avec toi normalement. C'est que tu n'es pas disponible. Mais ah, tu sais, c'est ceux qui avaient le téléphone fixe et qui sont passés sur un GSM, sur le téléphone fixe, tu peux dire je ne suis pas là. Non, je crois que j'ai dit que je ne peux pas répondre pour l'instant. Je suis trop occupé, vous comprenez, je suis débordé, je suis à un mariage. Je peux pas être partout. C'est pas de ma faute si vous avez une vie de merde, les gars. C'est soyez ça, pas jaloux de la mienne. Hein. Bah ouais, bah non, t'inquiète pas. Bah. Non mais bah apparemment j'ai l'impression. Non, on voit plutôt bien. Non, on voit plutôt bien. T'as une vie qui déchire, sa voiture est en panne. Ah non, j'imagine. Essence, ouais. Franchement, il est bien. Il a vraiment une bonne vie qui déchire. Hein. Ah bah vraiment ouais. Attends, moi je fais mon footing ce matin pour venir à la radio. Ah oui, bah écoute. Exceptionnel d'ailleurs. Bon allez, petite devinette qui colle là pour l'écran plat HD. Je vous la répète encore une fois. On donnera la réponse juste après. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Ce n'est pas un sexe, ce n'est pas la goutonnée, c'est une proposition qui vient d'arriver aussi par SMS, ce n'est pas ça. La réponse est un verre qui se lève. Oui, c'est vrai, pourquoi pas, c'est vrai. Il y a Richard qui proposait une écluse, mais c'est pas la bonne réponse, tout comme le verre tout à l'heure. Hein. 63-22, l'écran HD à vous filer, écran plat HD, on fait péter ça après le son de Britney Spears, maintenant sur Fun Radio. 7h50, bonjour, bon réveil, c'est vendredi aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Ah, on proposait un presse-fruit également pour la petite devinette qui colle. Hein. Un presse-fruit. Ce n'est pas un presse-fruit. Tuyau de pompe à essence. La chasse, ce n'est pas ça. Tuyau d'arrosage, on l'a déjà dit. Un thermos à pompe. Non. Ah. J'avais une bonne idée. Enfin, il dit non, mais un bon message qui vient d'arriver. Mais oui, tout à fait, exactement. On est là tous les soirs. J'ai fait le soir pendant des années. Très mal. Hein. On est là tous les matins sur Fun Radio à 7h54 avec la réponse dans un instant donc de la petite devinette qui colle. Mais avant cela, Tof, il est temps, je pense, de nouveau téléphoner puisque ce matin Tof a décidé de se faire passer pour le père le plus horrible du monde. Voilà. Non, je suis sûr que je suis pas le pire. Ouais, enfin t'es quand même pas mal dans le genre, hein, non. Parce que bon, le père qui roule sur le pied de sa fille, qui part en week-end avec sa maîtresse plutôt que de s'en occuper, si tu veux, c'est quand même pas terrible. Hein. Ouais, enfin t'as oublié aussi qu'elle était malade en voiture et qu'elle était incontinente. C'est bien ce que je dis, père indigne. Bon, on appelle où alors? On appelle les taxis toujours, comme tout à l'heure. En gros, tu les appelles pour leur demander s'ils peuvent déposer ta fille à l'école le matin. Parce que toi, lundi, bah, t'es avec ta maîtresse et t'as pas de voilà, temps. C'est ça, s'ils peuvent faire babysitter à ma place. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a appelé tout à l'heure à Bren Lalleux, ça s'est plutôt mal passé puisqu'il t'a raccroché au nez. Voilà. On appelle où maintenant? À Liège. On va à Liège, très bien. On va à Liège. On va voir si ça marche bien à Liège. 99 FM d'ailleurs pour écouter Fun à Liège, hein. Taximan, on sait jamais. Allez hop, c'est parti. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si c'était possible d'avoir un taxi lundi matin pour emmener ma fille à l'école. Oh, oui. Oui. Oui, lundi matin, oui. Parce que c'est la rentrée, donc c'est pour ça. Hein. Et oui, très bien. Voilà. Par contre, en fait, je dois vous prévenir, il y a quelques petites particularités. C'est donc que ma fille a perdu une jambe quand je lui ai roulé dessus en sortant du garage un matin où j'étais un peu pressé. Donc maintenant, elle est en chaise roulante. Hein, donc il faudra juste l'aider pour monter dans la voiture. Oui, ça, ça ne pose pas de problème. Bon, bah, tant mieux. Mais c'est pour simplement le lundi, je suppose. Oui, oui, après, je serai là, en fait. C'est parce que ce week-end, en fait, je pars en week-end, là, aujourd'hui, enfin, ce soir. Donnez-moi l'adresse. Avec ma maîtresse. Et donc, c'est pour ça, comme je ne suis pas sûr d'être rentré lundi matin à temps, je préfère... Donnez-moi l'adresse, monsieur. Oui, pardon. Donc, c'est rue du Laveux, numéro 17. 17. Voilà. Par contre, parce que je ne vous ai pas prévenu pour tout encore, il y a un autre petit truc important, c'est est-ce que vous pouvez prévoir un plastique pour mettre sur le fauteuil où elle sera assise ? Parce que voilà, c'est comme elle est un petit peu incontinente. Oui, non, sans aucun problème. Ah, bon. Vous avez l'habitude. Bon, bah, parfait. Oui. Et le fait qu'elle soit malade de temps en temps en voiture, est-ce que vous pourriez prévoir une voiture quand même qui ne bouge pas trop, hein ? Parce que sinon, après, elle a des vomissements. Donc, prévoyez quand même un petit sac, on ne sait jamais, en plastique. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben, très bien. Ben, je vous remercie, monsieur. Hein, c'est très gentil. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, ben, vous avez plutôt bien passé. Hein, Écoute, oui, apparemment, il l'a plutôt bien pris. Ah oui, c'est même plutôt un succès. Non, mais j'aime bien... Bah oui, un placé. Bah bien sûr. Ben, oui. À mon avis, les taximen doivent en voir tous les jours. Ah oui, ça, c'est clair. Mais de dingue, quoi. Ça, donc, c'est clair. Ça, pour c'est lui, clair. Ça, c'est... Ouais. Je crois quasi rien. Un petit sac en plastique pour qu'elle puisse ouvrir. Mais bien sûr, monsieur. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je rappelle aussi d'ailleurs à tous les taximen de Bruxelles que vous êtes obligés d'avoir les couleurs locales maintenant. Voiture noire avec le petit damier jaune et la nouvelle enseigne sur le toit. Ah bah écoute. Sinon c'est une amende. Ah ouais, c'est fini. Ah oui, depuis le 1er septembre. Ah ouais, très bien. C'est obligatoire maintenant. Comme ça on reconnaît les taxis pirates. C'est pour ça qu'ils mettent ça. Taxis pirates. Bah oui, les taxis pirates. Voilà. Bon, la réponse maintenant. Oui, la devinette qui colle. Juste avant de retrouver les infos. Qui est là pour la devinette qui colle ? Alors, nous avons Elisabeth, 27 ans, de Liège, qui déteste les enfants puisqu'elle est éducatrice. D'accord, ok. Salut Elisabeth. Non, c'est Francine. Ah, c'est Francine. Moi, j'ai dit Elisabeth. Bah, je ne sais pas. Ah oui, c'est Francine. Voilà, c'est Francine. J'ai écrit Francine sur ma feuille. Ça me semblait bien. J'ai dit Elisabeth. Francine, t'appelles de quelle ville ? On aurait pu faire semblant. De Liège, encore de Liège, c'est bon ça Liège. On va finir par être premier sur Liège comme à Charleroi, ça fait plaisir. Sur Liège, 99 FM pour écouter Fun Radio là-bas. Alors, la petite devinette qui colle, est-ce que tu as la petite réponse ? Je pense que c'est un parapluie. Mais oui, en toute simplicité, effectivement. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage ? Un parapluie, bien sûr. Ah mais, on fait simple. Mais évidemment. Bon, et ben bravo à toi, la Francine. Merci. On va t'envoyer un écran plat HD chez toi, direction Liège. Y a pas de problème. Gros bisous, la Francine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Ciao. Mmh. Bon, et puis on va enchaîner avec dans quelques instants la petite question qui colle et les factures également. Je vous rappelle que tout à l'heure nous n'avons pas réussi à joindre quelqu'un pour les factures et que je vous avais dit qu'on avait mis une nouvelle règle. Quand ça décrochait pas, et ben ceux qui allaient s'inscrire entre le moment où ça décroche pas et le moment où on allait rappeler, c'est-à-dire entre 7h10 tout à l'heure et 8h10 dans 10 minutes, auront toutes les chances. Je ne prendrai que ceux qui se seront inscrits pendant cette heure-là. Voilà. Oui, parce qu'on veut rembourser des factures. Oui, c'est parce que c'est pas nous qui les payons, c'est pour ça qu'on insiste. Hein. Ça c'est voilà. Sûr. 6322 débuté par facture maintenant avec votre montant, le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. J'ai eu un petit égarement. Mon absence, mais ce n'est pas le seul. Hein, 6322, débuté par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et dans moins de 10 minutes, on vous appellera peut-être en direct pour vous rembourser cash cette facture. Ça fait plaisir. Et ce qui arrive dans un instant, c'est Luna sur Fun Radio également. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fun Radio, il est 8h. Bienvenue tout le monde, vendredi 2 septembre ce matin. Et la question qui colle de ce matin à 8h est: pourquoi une fille de 4 ans a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? Non mais c'était horrible cette info. Voilà, 4 ans. Pourquoi une fille de 4 ans a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? 63,22, 1€ par message et des cadeaux pour vous. Un petit indice éventuellement, Julie ? Mais plutôt pour quelle partie de son corps ? Pour quelle partie de son corps ? Ouais, oui. C'est pas pourquoi, parce que je crois que c'était pour un concours de beauté, je pense. Mais ouais. C'est quelle partie de son corps elle a fait refaire pour ça ? Si vous avez une idée, 63,22, cadeau pour vous également. Et puis à 8h pile maintenant, c'est parti, les infos avec Julie également. Salut à tous, l'Europe dément vouloir mettre en garde la Belgique. La Commission européenne a dit avoir pleine confiance dans le gouvernement d'affaires courantes en réaction aux informations révélées dans le journal Le Soir hier. Pour rappel, le quotidien disait que la Commission européenne était sur le point de hausser le ton et et que l'Europe comptait lancer à la mi-septembre une mise en garde officielle à la Belgique, mais l'Europe dément donc. Geneviève Lhermitte réclame de l'argent à son psychiatre. Geneviève Lhermitte, condamnée à la réclusion à perpétuité en 2007 pour avoir tué ses enfants, elle réclame donc 3 millions d'euros à ce médecin pour faute professionnelle. Elle estime qu'il a commis une faute en ne prenant pas compte de la lettre qu'elle lui avait envoyée la veille du drame. Elle y faisait état de ses pulsions meurtrières. Attaque à main armée dans une pharmacie à Waterloo. Deux individus ont fait irruption vers 17h50 hier dans une pharmacie située dans la Drève-Richel. Ils se sont emparés du contenu de la caisse estimé à quelques centaines d'euros. Avant de prendre la fuite, les deux vendeuses qui se trouvaient dans la pharmacie n'ont pas été blessées, mais se trouvent en état de choc. Et puis les facteurs de Braine-l'Alleud ont repris le travail. Réunis en assemblée générale ce matin, les facteurs qui étaient en grève depuis mardi matin ont décidé de reprendre le travail. Le courrier sera donc de retour dans les boîtes aux lettres des communes desservies par le centre de tri brennois, c'est-à-dire Braine-l'Alleud, Tubize et Waterloo. Moins de jeunes fument, mais ils sont plus accros. L'an dernier, 13% des jeunes de 10 à 17 ans déclaraient fumer. Et si la part des très jeunes fumeurs continue, elle continue à baisser, la consommation moyenne de tabac pour un jeune donc augmente. En moyenne, les jeunes ont 13 ans lorsqu'ils essayent leur première cigarette et les fumeurs fument en moyenne 12,7 cigarettes par jour. Un jeune sur trois entre 16 et 17 ans fume et en 2010, on dénombrait 3% de fumeurs dans l'enseignement primaire. Et d'ailleurs, je voulais féliciter Julie qui a arrêté de fumer depuis un mois maintenant déjà. Ouais, un bon mois là. Merci, ouais, merci à tous. Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à vous. L'Italie est un pays de merde, en tout cas d'après Berlusconi. Ça n'engage que toi, ça n'engage que Berlusconi. Moi, je trouvais ça sympa, mais bon. Bah écoute, le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a qualifié donc en juillet dernier son pays de merde selon des écoutes réalisées sur le numéro de téléphone d'un de ses proches. Les Italiens doivent apprécier. Et puis en sport, les frères Jonathan et Kevin Borlée disputeront cet après-midi la finale du 4x400 mètres des mondiaux d'athlétisme à Daegu, en Corée du Sud. Et ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Azerbaïdjan en vue d'une qualification pour l'Euro 2012. 8h03 sur Fun Radio, c'est parti maintenant avec la météo. Belle journée ensoleillée qui nous attend, mais cet après-midi, les nuages seront plus nombreux sur le sud du pays. Une petite averse et même quelques coups de tonnerre sont à prévoir. Température jusqu'à 28 degrés. Demain, journée agréable, mais dimanche, le retour de la pluie est attendu. Très bien, on fait l'info en plus dans quelques instants sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. 8h04 sur Fun Radio, c'est l'info en plus maintenant, Julie. C'est une petite info en plus que j'ai été pêchée pour tous nos relous. Ah, on a quand même pas mal de relous là sur notre ligne anti-relou. C'est pas faux. Eh bien, qu'ils sachent que maintenant la Love Academy existe. C'est une académie qui donc existe réellement. Elle vient d'ouvrir ses portes dans la capitale française, donc à Paris. Et Christophe de Chavannes en profite puisqu'il planche sur un nouveau projet qui va tenter donc de venir en aide aux célibataires les plus endurcis. C'est-à-dire qu'il va les suivre avec ses caméras de télévision pour voir comment est-ce qu'ils sont un peu coachés pour trouver l'amour, quoi. D'accord, c'est sympa. Donc on risque d'avoir des gros dossiers. Oui, c'est vrai. Ouais, à mon avis, ouais, ça risque de tomber pas mal. Ouais. Bon, bah très bien. Ça peut être un bon plan. En tout cas, Toff pourrait s'inscrire, à mon avis. Ah, moi j'ai pensé à lui aussi, mais je n'osais pas lui dire parce que bon, voilà, panne d'essence, tout ça ce matin. Mais oui, c'est ça. Il était un peu dans la merde ce matin. Il avait une vie de merde. 8h05 sur Fun Radio. C'est Luna qu'on va écouter maintenant. Vamos a la playa et on paiera vos factures juste après. Les factures, on va vous les payer au 6322. Débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Bonne chance d'avance. Nickel. À la radio. Michael, à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Michael vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Le son de Luna à l'instant, c'était Vamos a la playa sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, ça se passe comme ça chaque matin, figurez-vous. Tous les matins, 7h10, 8h10, 9h10, nous payons vos factures. Voilà, et le nouveau concept, c'est que si ça ne décroche pas, c'est pas grave. On appellera une heure après, mais en ne sélectionnant que ceux qui se sont inscrits dans cette heure-là. Sinon, on sélectionne tout le monde. Donc c'est parti, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit entre 7h10 et 8h10. 125€ pour Touring, 170€ pour un slot racing, 509€ pour le précompte immobilier, il y a quoi aussi, 180€ pour le radar. S'il te plaît, on va essayer de rappeler quand même. 72€ pour un Pabu Sex Toys. 715 euros pour le cadastre, 1400 euros pour l'Electrabel. Là, il y a un moment, les mecs, faut faire attention quand même. 1400 euros pour l'Electrabel. Moi, ouais, je comprends pas ce qu'ils font avec leur. C'est ouf. 300 euros pour de la peinture, 43 euros pour le téléphone sur internet. Ah, la peinture, ça coûte méga cher. Ouais, bah, ouais, je sais bien. Allô. Allô. Bonjour. Allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Marc. Quelle radio écoutes-tu, Marc? Fun Radio. Ben, bien sûr, évidemment. Déjà c'est la bonne réponse. Mais évidemment. Parfait. Oui, parce que j'ai décidé de poser cette question-là aussi maintenant. Hein, parce que... Oui, comme vu ce qu'on a eu hier, vaut peut-être mieux la poser. Marc, ouais. Dans quelle ville te trouves-tu? À Namur, Belgrade, exactement. D'accord, ok, très bien. Et Toff, on appelait pour quel montant? 38 euros. Ah, ben celui de tout à l'heure? Non. Ah, c'est un autre, le même montant? C'est ouais. Bien. Bon, on va te payer quoi là pour ce montant? Une carte micro SD. Une carte micro SD. D'accord, ok. Hein. Alors que tout à l'heure, c'était un abonnement base. Oui, c'est vrai, effectivement. Eh ben écoute, pas de problème, on va t'envoyer ça, y a aucun souci alors. Pas de problème. Par contre, je t'entends très très mal. Oui. Très mal. La musique est d'un peu forte dans cette discothèque. Mais écoute, j'ai un problème avec la machine. Fous ton son à fond, après tu t'étonnes de pas les entendre. C'est pas ma faute. Regardez, mais ton téléphone est pourri. Non, regardez, le son il est coupé là. Je peux pas mettre le son, il est à zéro. Que je le monte ou que je le descende. Ça va, t'as l'air mignonne. Je me paye avec. Il n'y a plus rien qui marche. Bon, c'est pas grave, on va faire sans musique, c'est tout aussi bien. En tout cas, bravo à toi Marc, on va te rembourser ta facture. Julie, on va faire le. Okay. Salut Marc, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Non, c'est bon, ça va aller les gars, hein. C'est bon, ça va. On fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, bah, je sais bien, ouais, mais c'est gentil de votre part. Nous, ouais, je sais, on n'est pas aidés non plus. Non, mais c'est gentil de votre part, hein, mais vraiment, ça va aller, c'est gentil. Bon, ouais, bah, on va remettre le couvert tout à l'heure. Hein. C'est marrant de parler sans musique. Ouais. Bah écoute, ça fait un peu vide. On n'a pas le choix en même temps. On se sent un petit peu seul au monde. Bah ouais, je sais, mais on n'a pas le choix. T'as du football aussi. Dans un instant, oui, on a. Ah oui, c'est vrai, qui est là pour le football? Tu as Eric et Nadija. Attends, je vais rester avec la musique. Ah bah non. Non, mais arrête là. Bah non, ça gueule toujours à fond, on peut rien faire. Bon, bah tant pis, si quelqu'un de cette magnifique machine peut venir nous expliquer pourquoi il n'y a plus rien qui marche, ce serait gentil de sa part. Bon, qui est là pour le football? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Eric. Sois le bienvenu, Eric. Tu vas aller mater le Sporting Charleroi? Oui. Eh ben, on va te filer deux places, sans problème, Eric. C'est gentil. Mais avec plaisir. Tu vas aller avec qui? Simple. Avec un collègue. D'accord. Eh ben, amusez-vous bien. Tu t'attendais à quoi? Qui serait pour... Avec ma petite femme? Ah ben non, mais il peut avoir avec son pote, avec son fils. Oh, détrompe-toi, il y a plein de femmes qui adorent le foot, quoi. Ouais, ça aussi, ouais. Ou qui sont pas, qui n'ont pas le choix, quoi. Oui, bon, eh ben, Eric, reste au standard, on prend tes coordonnées et bon match demain soir. Oui, merci. Salut à toi. Et qui est là encore pour le foot? Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Comme quoi? Nadia, tu vas aller voir le Sporting demain soir, Sporting Charleroi? C'est surtout pour mes enfants, pour mes garçons. Tu vois une femme, hein? Allez, vois une femme. Hop, bon, on sentait le truc venir, oh, c'est pour mon mec, c'est bon, pour les enfants. On va te donner ça, il n'y a aucun problème. Deux places pour toi, pour tes enfants en l'occurrence. Ça marche? Merci, ça marche. Je t'en prie, à bientôt, salut à toi, ciao. Bientôt, et puis les autres, tout à l'heure, dans trois quarts d'heure maintenant, on filera les places VIP, donc pour aller voir le Sporting Charleroi avec le parking, bon, hein. L'accès parking, etc., etc. 63-22, débuté par Sporting, tout simplement. Et puis on va revenir dans un instant avec l'horoscope de Doudou. Si on n'a pas de musique, on va bien se marrer. Et avec Sarah aussi, Shaggy, c'est Champagne. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. À la radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, on se démerde. 8h15, 8h14 sur Fun Radio. Sarah avec Shaggy maintenant. Et Mickaël dans un instant avec. Enfin, oui, Mickaël, j'allais dire réveille la Belgique, mais pas maintenant du tout. Ce sera le petit Dej Express. Si vous voulez vous inscrire, 30-44 débuté par Dej. Sarah à l'instant sur Fun Radio avec Shaggy Champagne. Et puis je vous rappelle toujours la petite question qui colle. Pourquoi une fille de 4 ans a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique? En gros, quelle partie du corps elle a dû modifier pour un concours, hein, ça on peut le dire, hein. Bah oui, c'est plutôt ça, oui. Quelle partie du... ouais. Ça, moi, ça me fait mal au cœur, donc. Voilà, oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont du mal à en parler, mais... Bah oui, je comprends. Bon, surtout qu'en plus, on parle d'une petite fille de 4 ans, c'est ça, hein. Ouais, en plus, ouais. Donc en je peux plus, difficilement ouais. Dire, toi, aime bien cette partie du corps, machin, tu non, vois. Non, mais c'est bien, t'as bien fait, bravo à toi. Non, en fait, pas vraiment. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, allez-y. Et pour ceux qui étaient là quand il y a eu le problème technique il y a 5 minutes, ne pensez pas que c'est réparé, hein. C'est juste que j'ai trouvé un plan B pour diffuser mes musiques. Trop fort. Mais ouais, mes musiques de manière normale, mais bon, c'est. c'est pas pratique. Voilà. On va donc heureusement l'émission est finie dans une heure parce que. Oui, enfin bon, on a quand même encore une heure à tenir. Hein. Ouais, mais ça va aller. Enfin, ça devrait aller. Allez, 8h18, c'est parti. Maintenant, faisons un tour du côté de l'horoscope avec notre ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Eh ouais, 8h18. Doudou, vous ne faites pas à manger là. Pas de magie. Vous êtes malade. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Mais chaque fois que je fais quelque chose, vous me gondez. Mais non, Doudou, mais je peux pas vous laisser faire des trucs dégueulasses en studio. C'est ça le truc. Ouais, hein. C'est pour ça. Alors, je me suis mis au tuyau. Ah. Okay. Bah oui, je vais vous faire un joli pull pour l'hiver. Hein. Ça vous fait plaisir, ça au moins. Oh là. Ah bah j'en rêvais justement, tiens. Ah bah j'en parlais à Julie quand t'es arrivé. Je me suis dit, j'aimerais vraiment un petit pull tricoté pour cet hiver. Je savais que ça vous ferait plaisir. Ah ouais. Et voilà, tu vois. Pourquoi vous me faites passer quoi? Mais non, j'ai dit pour moi le pull. Ah ok, d'accord. Bah, oui. T'as vu un peu. Bah oui. Non mais comme tu vois, tu me parles de pull tricoté et je pense à Toff qui n'aimait pas ma petite laine du début de semaine. Ouais, mais il avait raison. Non, pour Julie, je vais lui faire une jolie écharpe. Ah voilà, merci. Bah, voilà. Ah, oui, je veux bien aussi un bonnet. Et des moufles. Bon, et allez, des moufles. On commence avec les béliers. Alors, ce soir, vous avez mérité une récompense pour le dur labeur que vous avez fourni toute la semaine. Eh oui. Les taureaux. Il faut oser, car qui ne fait rien n'a rien. C'est normal. Et qui vole un œuf, vole un bœuf. Merci. Ça n'avait aucun rapport, mais j'ai envie de dire. Merci, d'accord. Merci pour tout les ça. Gémeaux. C'est certes bien de rêver, mais il ne faut pas s'y perdre dans ses rêves. Les cancers. Votre sensibilité va vous aider à trouver une solution à une crise sentimentale grave. Les lions. Aujourd'hui, vous manquez d'énergie et vous traînez un peu la patte. Les lions. Oui, les vierges. Ça, c'est gentil, vous l'avez relevé. Oui. Les vierges. Allez de l'avant avec intelligence et ne foncez pas tête baissée. Les balances. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire. Va falloir faire avec. Ouais, c'est sûr. Hein. Les scorpions. Vous n'avez aucune raison de voir les choses en noir. Les étoiles ne peuvent pas être plus favorables pour vous. Les sagittaires. Un vent nouveau dans une relation n'a jamais fait de mal à personne. Répétez pas trop fort quand même. Ouais, c'est vrai. Les capricornes. Vous vous sentez aujourd'hui démotivé et sans entrain. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Les Verseaux. Évitez le stress et faites du sport ce week-end. Et enfin pour finir, les poissons, Doudou. La déesse de l'amour est à vos côtés et va vous offrir des moments inoubliables d'amour. Non, c'est magnifique. Merci Doudou, à tout à l'heure dans une heure. Oui. Et en attendant, la déclaration express qui va arriver dans 5 minutes. Le son de Snoop Dogg et T-Pain, c'est boum maintenant sur Fun Radio. Bon réveil, bonne matinée, il est 8h20. 8h23 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 avec le son de Snoop Dogg à l'instant. C'était boum sur Fun Radio. Et puis dans un instant, il y aura aussi la petite parodie que nous avons fait en début de l'année là sur Kinvé, ce sera le morning, ça va arriver dans un petit instant. Et puis la réponse à la question qui colle, elle aussi va arriver dans un instant. Mais avant cela, nous avons bien évidemment la déclaration express. Voilà, j'attendais pour voir si elle allait enfin parler, mais oui, ça y est, c'est arrivé, Sébastien Loeb a parlé. Et pour jouer à la déclaration express, qui veut faire sa déclaration ce matin? Bonjour, qui est là? Tom qui n'est pas encore là. Ah, Tom qui n'est pas encore là, bah oui. Bon, on va faire ça sur quelle chanson, Sébastien Loeb? Alors sur Dr. Green Tom de Cypress Hill. Très bien. Bon, alors le principe, hein, pour ceux qui ont une déclaration à faire à leurs copains, copines, sachez qu'on le fait chaque matin à 8h20. Si vous voulez vous inscrire, 3044, débutez par déclaration. Salut Tom. Salut. Comment vas-tu? Ouais, ça va et vous? Bah ça va bien aussi, tranquille Tom. Bon, Tom, nous allons appeler ta copine maintenant, ou ta future copine? Ouais, peut-être ma future copine. Ta future copine, tu l'as rencontrée comment? Bah, franchement, sur Chatroulette. Sur Chatroulette. Comment est-ce qu'on peut rencontrer des partenaires potentiels sur Chatroulette? Oh bah tu sais hein. Je l'ai fait une fois sur Chatroulette. Tu montrais quoi, ta chatte ou tes seins? Je montrais rien du tout. Et par contre, j'ai vu que des pervers. Oui, bah ça oui. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'était juste hallucinant quoi. Bon, on y va, on l'appelle. Comment s'appelle-t-elle? Tamara, très bien. Donc si elle décroche, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, Tamara, écoute. Et si c'est le répondeur, tu dis pareil, voilà, je voulais te dire un truc, écoute. Et nous on démarre derrière. Okay, ça. Allez, Tamara, c'est bien. N'est pas disponible pour le moment. Vous allez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour réenregistrer votre message. Bah voilà, écoute, cet homme, j'ai quelque chose à te dire. Hola bébé, moi je m'appelle Tom et je me tapais des ficochons. Puis tes amis m'ont dit que t'étais pas docile, plus qu'encore un iPhone au lit t'étais tactile. J'étais rencontré sur Chatroulette et quand t'es apparu j'ai caché ma... Car de moi t'allais te moquer, surtout que j'étais prêt à... Directement nos numéros on a échangé. T'avais l'air open et j'kiffais. J'suis venu chez toi, t'm'as dit fais gaffe au chien. J'ai plus de thunes et il crève de faim. Mais j'savais pas qu'il était dans l'entrée. Alors quand chez toi j'ai pénétré, il a cru qu'on venait de cambrioler. Du coup mes couilles il a dévoré. Prochaine fois tu viendras chez moi. Y'a pas de chien, mais y'aura ta te chat. Oh, oh non. Au final, je te promets, tu verras. Oh, c'est du chef précis. Plein d'amour et plein d'amour. Tu me supplieras pour que je te mette des. Non, ça va aller, c'est bon, on a compris. Tu vas rien, mais du tout. Non, allez, ça va aller, on a bien compris. Pourquoi ça doit toujours partir? Mais oui, c'est ça, toujours là. En même temps, si je peux me verver sur ces précises, c'est chiant. La musique, elle est d'une lourdeur. Ah, mais ça te réveille, moi. Tu parles, ça me réveille lourdeur, le matin. Mais ouais, c'est pas vrai que tu le digères. Ouais, ouais, non, il chante. Heureusement. Bon, et eh bah écoute, voilà, le message est passé, Tom. J'espère qu'elle l'aura entendu. Et puis surtout, bah, tiens-nous au courant pour voir ce qu'elle aura dit derrière. D'accord? Non, bah ça va, je tiendrai au courant. Bon, ça va. Comme ça, je reçois le message. Allez. Ça marche. Bon, bah salut, Tom, à bientôt. Ouais, salut, à bientôt. Allez, ciao à toi. Et puis la réponse aussi à la question qui colle, là, qui est là pour la question qui colle? Alors, nous avons. Pardon, excusez-moi, je fais un petit peu le ménage. Ouais, tu fais un peu n'importe quoi là, non, semble, pas du tout. Nous avons Cindy, 33 ans, qui a la pêche puisqu'elle ne fait rien dans la vie. D'accord. Et qui appelle de Liège. Salut Cindy de Liège finesse. Encore 99 FM pour écouter Fun à Liège. Salut Cindy. Ça va je bien vous entends pas bien. Non, mais c'est pas possible ça. Que ceux qui sont à Liège n'entendent pas bien. C'est fou, hein. Mais il y a un problème à Liège. Moi, j'entends pas bien. Non, c'est parfait maintenant. Autre chose. Ah, oui, c'est bon. Ouais, c'est parce qu'elle enlève son kit main libre. Même nous, on l'entend mieux maintenant. Bon, Cindy, t'as la réponse à la question qui colle. Question qui colle, je vais la répéter brièvement là. C'était mes feuilles. Pourquoi une fille de 4 ans a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique et surtout pour se faire opérer de quoi? Faux seins et fausses fesses. C'était pour une télé-réalité américaine, Toddlers and Tyras, qui se penche sur l'univers surréaliste des concours de beauté de Mini Miss en fait. Et apparemment, elle cache sous sa robe une paire de faux seins, bon essai et un rembourrage sur les fesses. Ouais, pour qu'elle puisse incarner la chanteuse Dolly Parton sur scène. Voilà. Et donc la maman de la petite Maddie justement dit: pour certains c'est trop extravagant, mais c'est ce qui arrive ici, c'est juste normal. Les faux seins et fesses sont seulement un bonus. Voilà. D'accord, donc voilà. La maman pourrait aller en prison. Hein. Exactement, ouais. Bon, ben bonne journée à toi, Cindy. Tu restes au standard. On prend tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau, d'accord? Merci, c'est gentil. À bientôt. Ciao. Et la devinette qui colle, elle arrive dans un instant. J'aimerais trop dès le réveil. Tout comme la petite parodie du morning, là, sur Kinvey. C'est moi-même avec Sébastien Loeb et c'est le morning. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h32, dans un instant, la petite devinette qui colle, mais avant ça, les infos. Salut à tous, le métro de Charleroi est perturbé ce matin à la suite d'une panne informatique. Cette panne touche notamment les feux de signalisation et empêche évidemment le bon fonctionnement et des lignes de métro. Sur certaines lignes, des navettes de bus ont été mises en place. Geneviève Lhermitte réclame de l'argent à son psychiatre, condamné à la réclusion à perpétuité en 2007 pour avoir tué ses 3 enfants. Geneviève réclame 3 millions d'euros à ce médecin pour faute professionnelle. Elle estime que son psychiatre a commis une faute en ne prenant pas en compte la lettre qu'elle lui avait envoyée la veille du drame. Elle y faisait état de ses pulsions meurtrières. Attaque à main armée dans une pharmacie à Waterloo. 2 individus ont fait irruption vers 17h50 hier dans une pharmacie située dans la Drève-Richel. Ils se sont emparés du contenu de la caisse, estimé à quelques centaines d'euros, avant de prendre la fuite. Les 2 pharmaciennes qui se trouvaient dans la pharmacie n'ont pas été blessées mais se trouvent en état de choc. Et puis les facteurs de Braine-l'Alleud ont repris le travail. Réunis en assemblée générale ce matin, ils ont donc décidé qu'ils repartaient travailler. Le courrier sera donc de retour après la grève qui a commencé quand même mardi. Et le courrier est de retour dans les communes desservies par le centre de tri brennois, c'est-à-dire Braine-l'Alleud, Tubize et Waterloo. Moins de jeunes fument, mais ils sont plus accros, selon une étude du CRIOC. En moyenne, les jeunes ont 13 ans lorsqu'ils essayent leur première cigarette et les fumeurs fument en moyenne 12,7 cigarettes par jour contre 7,5 en 2008 par exemple. Un jeune sur 3 entre 16 et 17 ans fume et en 2010 on dénombrait 3% de fumeurs dans l'enseignement primaire. L'Europe dément vouloir mettre en garde la Belgique. La Commission européenne a dit avoir pleine confiance dans le gouvernement d'affaires courantes. Elle répond donc aux informations révélées dans le journal Le Soir hier. Le quotidien disait que la Commission européenne était sur le point de hausser le ton et de lancer à la mi-septembre une mise en garde officielle à la Belgique. Eh bien, d'après l'Europe, il n'en est point. Ce n'est pas le cas. Voilà, j'essayais de trouver une chute, mais voilà, j'ai un petit peu ripé sur. Voilà. Ça arrive. C'est oui. Eh bien, écoute, l'Italie est un pays de merde, en tout cas, d'après Berlusconi. Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a qualifié en juillet dernier son pays de pays de merde, selon des écoutes réalisées sur le numéro de téléphone d'un de ses proches. Ça a donc été révélé hier. Les Italiens doivent apprécier. Et puis en sport, les frères Jonathan et Kevin Borlée disputeront la finale du 4x400 mètres des mondiaux d'athlétisme à Daegu en Corée du Sud vers 14h10. Et ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Azerbaïdjan en vue d'une qualification pour l'Euro 2012. Ça va bien se passer, c'est sûr. Bah oui. 8h35, la météo maintenant. Belle journée ensoleillée pour aujourd'hui, mais cet après-midi, si vous habitez... Ça va moins bien se passer. Si vous habitez surtout le sud du pays, les nuages feront déjà leur apparition et une petite averse est possible, même quelques coups de tonnerre. Température jusqu'à 28 degrés. Demain, belle journée agréable, mais dimanche, retour de la pluie. D'accord, bon bah c'est super cool, bonne nouvelle. Dans un instant, c'est l'info en plus sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. Et avant l'info en plus, je vous rappelle aussi qu'on va faire le petit déj express dans un instant. Si vous voulez vous inscrire, 30-44 par SMS et 50 centimes le message. Débutez le message par déj, D-E-J. Et puis nous, on vous rappelle et on jouera dans 5 minutes au petit déj express. Alors, l'info en plus. Alors, IKEA vient de lancer un concept qui déchire. Voilà, qui vous plaît pas mal. Parce qu'on en a déjà parlé et vous êtes effectivement bien bien chaud par l'idée. Mais IKEA vient de lancer le Manland. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une crèche pour hommes. Comme ça, monsieur peut s'amuser pendant que madame fait les courses. C'est bien connu, les hommes sont rarement accros au shopping. Ça, on adore ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que bien sûr la crèche est équipée de consoles de jeux, de flippers, de télévisions qui retransmettent les matchs de foot et même de hot dog pour en cas de petit creux, hein, pour se substanter, comme on dit. J'ai eu peur. Non, c'est pour ça que je précise. Alors le premier Manland est actuellement testé à Sydney durant 4 jours à l'occasion de la fête des pères de ce dimanche qui se fête donc là-bas dimanche. D'accord, bon. Très bon plan en tout cas, moi je suis pour. Hein. Je dis à quand ça ici à Anderlecht, avec impatience. À mon avis, ça va venir, hein, je m'inquiète pas. Hein. Si ça marche là-bas, ça marchera ici. Ah ouais, hein. Si ça fait un carton. Bon, très bien, l'info revient tout à l'heure à 9h. Et puis la petite devinette qui colle maintenant, c'est Julie qui l'a trouvé, la petite devinette qui colle. Oui. Et elle est graveleuse. Elle est dégueu. Non, vous me connaissez donc non. La balance? Bah vas-y. J'y vais, allez. Qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud? C'est vrai, t'es vraiment. Répugnante. Je suis choqué. C'est dégueulasse. Donc qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud? Voilà, qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud? Allez, on se fait la réponse au 63-22 maintenant. 63-22, débutez le message par la réponse tout simplement. C'est 1€ par message et on vous appelle dans un instant peut-être pour vous filer un écran plat HD. Allez, bonne chance, on se fait péter la parodie maintenant. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop. Là. Tu sais bien que le matin pour toi c'est pas l'heure. J'aimerais trop dès le réveil m'occuper du morning. Oui, j'aimerais trop qu'au réveil tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin m'éclater dans mon lit. Oui, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas. Le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas, non, le boss ne veut pas. Je t'emmènerai là où tu travailles. le réveil, m'occuper du morning. Ouais, j'aimerais trop qu'au réveil, tu entends que je suis là. Ouais, mais j'aimerais trop le matin, m'éclater dans le morning. Ouais, j'aimerais trop le faire, mais le boss ne veut pas. Tu peux l'espérer, oh, tu vas pas le choper. T'es peut-être motivé, oh, mais faut pas t'emballer. Mon ami, tu rêves, car ce poste n'est pas pour toi. Voilà, c'était la parodie de l'émission ce matin, le morning, sur la musique de Kinvey. Donc, et avant de faire le petit déj express, je vous rappelle la petite énigme. Qu'est-ce qui est rouge qui... J'ai oublié après. Non, mais c'est l'énigme de Julie, c'est pour ça. Hein. Qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud? Voilà, qu'est-ce qui est ça rouge? Ça peut être aussi d'une autre couleur, hein, oui, c'est pas vrai. Obligatoirement que les rouge. Filles adorent. Et alors, non, les filles adorent ça, mais quand on... Quand on prépare un petit dîner, les filles aiment bien qu'il y ait ça aussi à table. Ouais. Ouais, oui, d'accord, ok. Ah, Saint-Valentin, un indice. Oui, enfin bon, c'est pas obligé non plus que ce soit à Saint-Valentin, justement. Bon anniversaire. Sortez-les ailleurs qu'à la Saint-Valentin. Bah, quoi. Aux anniversaires. Bah, moi, je suis pas. Ah oui, oui, on en a beaucoup. Oui, chaque anniversaire, on en a en voilà, général. Donc, ce n'est pas un nez qui coule. Moi, je veux bien la sortir tout le temps. Non, mais non. Ça va. Donc, qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud? Oui, on avait proposé un pénis, ce n'est pas ça, Top, tu vois. Hein. Un babybel fondu, c'est Lionel. C'est bien cherché, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on proposait Un nez qui coule. Le pis d'animal, vache ou jument. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Voilà, une tasse rouge de lait chaud. Non, c'est pas ça, David, malheureusement. Allez, 63-22, si vous avez la bonne réponse. Il y aura dans quelques instants donc un écran plat HD à vous filer si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort. On a qui maintenant avec nous? Et nous avons maintenant une sadique. Nous avons Stéphanie, 20 ans, de Charleroi, qui aime la violence et faire souffrir puisqu'elle est esthéticienne. Ah oui, d'accord. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va, bien et vous? Eh bien, ça va bien aussi, tranquille. T'as passé tu passes une bonne journée là, enfin une bonne matinée plutôt? Oui. Hein. Bon, tu vas aller travailler, épiler des poils? Oui. Mais oui, est-ce que tu épiles souvent des hommes? Non, pas souvent. Pas souvent, c'est normal, hein. En général on a peur. Hein, donc, Oui, ça fait mal, on souffre. Oui, ça fait mal, effectivement. Top, c'est de quoi il parle. Ah oui, je te confirme, oui. À mon avis, il a dû pas mal être épilé à la libre antenne, je pense. Ça devait être le co. D'innombrables fois. Voilà. Si tu savais les endroits que je me faisais épiler. Dont une partie très intime faite par M. Pokora lui-même. Oh non, vous avez pas fait ça. L'arrêt des fesses, pour être précis. Ah, voilà. Ça devait être horrible. Ah oui, dans tous les sens du terme. Hein. Donc t'as des poils dans l'arrêt des fesses, mais c'est dégueulasse. Bah oui, mais ça, c'est comme un peu tous les mecs. Hein, ouais. Non, pas le mien. Bon. Et parce que lui, il s'épile également. Non, parce que le mien est parfait, c'est ouais, différent. C'est ça, ouais. Ah oui, j'ai oublié que c'était un androgyne. Alors attention. Attention, le concept, donc petit déj express, t'offre un plateau avec 10 objets de petit déj. Enfin, pas vraiment de petit déj plutôt ce soir, aujourd'hui, c'est mais bon. C'est des petits déj spéciaux. Ouais, c'est ça. Donc il y a 10 objets. Il va tourner, il va faire le tour du studio en courant. À ton avis, à son retour, combien d'objets restera-t-il sur le plateau? Zéro. Ah ben oui, bon, en général c'est ce qui se passe ces derniers jours. Ouais. Mais attention, il s'améliore, même si c'est toujours un drame, mais il va de plus en plus loin. Petit à petit, il s'entraîne forcément. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va, 3, 4, c'est parti. Attention. Alors, il fait le tour. Le fameux virage. mais maintenant il fait les trois quarts du studio. Mais non, mais un jour il va y arriver. Mais là, de nouveau, ce fameux virage. Ah, j'étais pas loin là. Je pense. Là, j'étais pas très très loin. Ouais, non, c'est vrai, t'as j'étais belle amélioration. J'étais à un mètre de la fin là, et tout était sur le plateau encore. Ah oui, non, mais. Trois quarts du studio fait, donc vous étonnez pas que lundi il y arrive. Hein. Ah oui, non, mais ça, je pense que. On non, sait à mon avis, dans quelques semaines. Ouais, peut-être pas aussi. Pas non plus être trop optimiste. Bon, et ben bravo à toi en tout cas, le cadeau arrive chez toi très rapidement. Je te repasse au standard, d'accord? D'accord, merci. Je te fais des gros bisous, passe une bonne journée. Bah vous aussi, à merci, à bientôt, ciao. Et puis restez bien là dans un instant. Donc la chanson, la petite parodie du morning, ça va arriver évidemment. Et puis on parlera du trafic ainsi que de la ligne anti-relou. Restez bien là, il est 8h44 sur Fun Radio. Bon réveil. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Fun Radio, oh bah c'est un nouveau jingle. C'est original. En fait. Oui. Mais c'est parce que depuis que j'ai eu mon petit problème technique avec ma machine, là j'ai dû récupérer ce que je pouvais comme je pouvais. Hein. Bon, eh bah c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Camion en panne sur le 40, Bruxelles en direction de Liège à hauteur de Haussard. D'accord, c'est tout? Bah oui, c'est enfin tout. Plus tous les autres bouchons. Mais si je commence à citer tous les ralentissements vers la capitale, ça c'est comme d'hab. Hein, les voilà, gars. C'est ça. Et donc si vous êtes témoin d'un. Débrouillez-vous sur la route. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à venir nous en parler d'ailleurs, hein, 3044 sur tous les radars, ouais. 3044 ou alors si vous voulez pas gaspiller d'oseille sur mikael@funradio.be si des fois que vous avez un petit smartphone. Dans un instant, un son excellentissime, mais avant cela. Ah non, tu vas nous balancer encore ton. Mais avant cela, bien évidemment, c'est la ligne anti-relou. Et la ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h10. Enfin, normalement 6h15, mais on est en retard. C'est non. La ligne anti-relou. Si, si, un peu. Tellement peu. Nous en retard. Oui, oui. La ça ligne anti-relou maintenant. Alors attention, écoutez bien, la ligne anti-relou 0473 86 0013. Chaque matin, on vous diffuse les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. Le premier de ce matin, écoutez. Ah. Non mais c'est une vanne ou quoi? Bon alors attendez. Parce que tout à l'heure le son était à fond de balle et maintenant rien que pour m'emmerder il est à zéro. Cette machine déchire. Écoutez le premier message donc. Bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on dit en général. Mais bon, pour moi une messagerie c'est pas les gars non plus. Mais j'espère avoir de bonnes nouvelles parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Allez, au revoir, Yann. Ah parfait, quelle bonne technique pour bonne technique d'approche. Hein. Voilà. Tu me donnes ton numéro, je te rappelle, j'espère avoir un rencard et je te parle. De toute façon, il est relou. Dès le début, tu voilà entends qu'il est relou, le mec. T'es même pas avec pas lui. Déjà, il est casse-bonbon. Alors, s'il à te plaît, quoi. À mon avis, le gars, il travaille dans le fisc ou quelque chose comme ça. Il y a des chances. Il y a des chances. Un contrôleur fiscal. Bonjour. Il a une bonne voix. Vous avez payé vos impôts. C'est possible. Voir, si c'est vous peut-être voulez. Pour ça qu'il appelle. Hein. Peut-être, ouais. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, ça prive un et tu nous. Oh là là. C'est notre excité. On avait dit rendez-vous devant le restaurant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas assez bien pour toi, c'est ça, mon ami. Aïe. Bon, allez, j'attends tes nouvelles. Ma cousinette d'amour. Voilà, donc il est sous speed. Hein. Ah, certainement. Voilà. Et donc, que l'abus de drogue est dangereux pour la santé. Tout ouais. À fait, oui. Et celle des autres, hein, ceux qui entendent le message en l'occurrence. Et notre petit mongolien du matin, parce qu'il y a aussi parfois un mongol dans la ligne anti-relou, écoutez bien. Allô. Ah oui. Ah non, ça c'est sûr. C'est bien de t'en rendre compte. Et là, il raccroche. Voilà. C'était notre petit mongolien du matin. Arrêtez de dire allô quand vous entendez une messagerie, quoi. Arrêtez ça tout de suite. Mais oui, mais que veux-tu? Enfin, voilà. La ligne anti-relou revient bien évidemment lundi à partir de 6h du mat sur Fun Radio dans Mickaël à la radio. Et retenez bien ce numéro, car tout ce week-end, il va falloir le donner à tous les relous, bien évidemment, les filles et même les mecs aussi. 0473 86 0013. Et la petite devinette qui colle, vite fait avant le son excellentissime, on va la rappeler. Alors, qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud? Voilà, bon, si vous avez la bonne quand réponse. Même l'indice, hein, ouais, c'est, on en a indices. Beaucoup, chaque anniversaire on en a en général. Voilà, exactement. Et les filles aiment bien ça pour un petit dîner romantique. Et bizarrement, chaque année on en a une de plus. Oui, en général. Bizarrement. Un homard, on proposait. Non, c'est pas ça, une pomme d'amour non plus. Si vous avez la bonne réponse, donc il y en a pas mal, hein, déjà. 63, 22, c'est 1€ par message. Et vous avez peut-être la chance de repartir avec un écran plat HD si vous êtes tiré au sort. Voilà, on paiera vos factures aussi. Et attention, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, mettez le son à fond. C'est parti maintenant avec le son de Nero qu'on écoute tout de suite. Promises sur Fun Radio. Donnez-moi votre avis hein, si vous aimez ou pas sur le Facebook bien, par exemple. Bien, hein. Ah ouais, mikl.fm, allez voir et sur le 3044 Nero maintenant Promises. You never say well. Je parle bien anglais. Il est bon le son Niro à l'instant, Promises sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde si vous débarquez, 8h57. Nous sommes extrêmement en retard, mais ça va bien se passer. Dans un instant, on va payer vos factures aussi. Si vous voulez qu'on vous les paye, vous, vos factures, bah c'est facile. Vous faites maintenant le 6322, débutez votre message par facture, avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Et puis, on va... Ah oui, c'est le retour du père le plus horrible de Belgique maintenant. Hein. Oui, enfin ça va, tu dis ça parce que j'ai roulé sur le pied de ma fille quand elle était petite. Ouais, c'est bon, ça. Bon, et bon. Aussi parce que tu t'occupes pas d'elle alors qu'elle est incontinente et qu'elle est malade en voiture, etc., etc. Oui, enfin bon, c'est des choses qui arrivent. Et puis bon, les chauffeurs de taxi, ils ont l'habitude, hein. Il l'a dit tout à l'heure. Mais ça n'empêche que tu leur confies quand même une belle galère. Hein. Mais non. Bon, c'est pas plus encombrant qu'une petite vieille, je suis pas d'accord. Bon, en gros, le principe, donc Toff a un rencard avec sa maîtresse lundi, donc il peut pas déposer sa fille. Non, tout le week-end. Ouais, tout le week-end. En amoureux. Et donc il peut pas déposer sa fille à l'école. Et donc du coup, il appelle depuis ce matin des compagnies de taxi pour voir si eux peuvent le faire. On a essayé à Braine-l'Alleud, on a essayé à Liège, maintenant on va à Namur. Allez, Namur. Allez, c'est parti. J'ai envie de dire, en gros, Toff est un monstre. Oui ? Non. Si. En toute simplicité. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai envie de savoir s'il était possible que vous emmeniez ma fille à l'école lundi matin. Oh oui, monsieur a votre problème. Oui, parce que bon voilà en fait je vous explique, elle a un petit problème pour se déplacer, c'est-à-dire que bon il y a quelques années je lui ai roulé sur la jambe avec la voiture et donc maintenant elle est dans une chaise roulante, donc c'est pour ça si vous pouviez l'aider à monter dans la voiture ce serait gentil. Oui monsieur a pas de problème. Parce que il vous faut une voiture plus haute, plus un break ou une... Non, elle est, vous savez elle est encore jeune hein. elle a 5 ans donc il y a pas de souci. Hein. Oui, ça va. Lundi. Oui, lundi, oui. Attendez. Oui. Dites-moi l'adresse lundi. Donc lundi. Donc l'adresse c'est rue Pépin. Quelle rue, monsieur ? Pépin. Rue Pépin, oui. Oui, voilà. Donc au numéro 18. Pépin 18, oui. Voilà. Donc voilà. Et entre 7h et 7h15, hein, c'est vous qui voyez. Allez, 7h10, voilà. Voilà. Et par contre, j'avais une autre petite demande, parce que moi, je l'aurais bien emmené, hein, vous comprenez, mais comme je passe le week-end avec ma maîtresse et que ma femme n'est pas au courant et qu'elle ne peut pas l'emmener, comme je ne suis pas sûr d'arriver lundi dans les temps, je préfère prendre un taxi avant de partir en week-end. En fait, elle est un petit peu incontinente. Donc, est-ce que vous pouvez prévoir une bâche pour mettre sur le fauteuil ? Ah, ça va. Oui, voilà. Ah, ouais. Il lui arrive parfois le matin d'avoir des petits problèmes d'estomac. Donc, prévoyez un petit sac en plastique pour qu'elle puisse vomir dedans. Ah, ça va, d'accord. Et donc, si vous avez tout ça, normalement, ça devrait aller. Elle vous donnera l'adresse pour l'école, hein, parce que moi, je ne sais pas trop où elle était. Ça va, monsieur. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, et puis, lundi 18, je ne vais pas, c'est sur 10. Voilà, c'est très bien. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Mais quel enfoiré, il faut que tu l'appelles quand même pour lui dire d'annuler quand même. Hein. Bah, c'est en train de me dire que le gars il vient de se booker soi-disant un client, mais pas du tout quoi. C'est ça quoi, il a une adresse bidonne. Ils acceptent tout du moment qu'ils se font de l'argent. Ouais. C'est t'entends mal, excuse-moi. C'est ça qui est bon. Mais oui, tout à fait. Bon, allez, dans un instant, on paye vos factures, on vous parlera d'un scooter aussi à gagner, on parlera de l'euro million également et on parlera des infos. Ça, ce sera dans quelques instants, mais avant cela, je vous annonce que Ina débarque dans un instant sur Fun Radio aussi avec Club Rocker. Excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et il est temps maintenant à 9h02, on est en retard, désolé, les infos maintenant avec Julie. Salut à tous, l'EMR propose la création d'un fonds pour les fournitures scolaires. Françoise Berthiaud a suggéré la création de ce fonds qui permettrait de réduire le coût de l'enseignement pour les familles. Elle a même annoncé avoir trouvé les 2,5 millions nécessaires à sa création. Ce fonds pour les fournitures scolaires serait adressé aux élèves les plus défavorisés de leur école ou bien uniquement aux premières primaires. Geneviève Lhermitte réclame de l'argent à son psychiatre. condamnée à la réclusion à perpétuité en 2007 pour avoir tué ses enfants. Geneviève Lhermitte réclame 3 millions d'euros à ce médecin pour faute professionnelle. Elle estime que son psychiatre a commis une faute en ne prenant pas en compte la lettre qu'elle lui avait envoyée la veille du drame. Elle y faisait état de ses pulsions meurtrières. Attaque à main armée dans une pharmacie à Waterloo. Deux individus ont fait irruption vers 17h50 hier dans une pharmacie située dans la Drève-Richel. Ils se sont emparés du contenu de la caisse estimé à quelques centaines d'euros avant de prendre la fuite. Les deux vendeuses qui se trouvaient dans la pharmacie n'ont pas été blessées, mais elles se trouvent en état de choc. Et puis les facteurs de Braine-l'Alleud ont repris le travail, réunis en assemblée générale ce matin. Et ces facteurs qui étaient en grève depuis mardi matin ont accepté de reprendre le chemin du boulot. Le courrier sera donc de retour dans les boîtes aux lettres des communes desservies par le centre de tri brennois, c'est-à-dire Braine-l'Alleud, Tubize et Waterloo. Moins de jeunes fument, mais ils sont plus accros. En moyenne, les jeunes ont 13 ans lorsqu'ils essayent leur première cigarette et les fumeurs fument en moyenne 12,7 cigarettes par jour contre 11,5 en 2009. Un jeune sur trois entre 16 et 17 ans fume et en 2010, on dénombrait 3% de fumeurs dans l'enseignement primaire. L'Europe dément vouloir mettre en garde la Belgique. La Commission européenne a dit avoir pleine confiance dans le gouvernement d'affaires courantes. C'est donc en réaction aux informations révélées dans le quotidien Le Soir hier. La rumeur disait que la Commission européenne était sur le point de lancer une mise en garde officielle à la Belgique. L'Italie est un pays de merde. En tout cas, d'après Berlusconi, le chef... Il est con, celui-là, alors. Ah ouais, non, mais il ose tout, lui. Le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a qualifié en juillet dernier son pays de merde, ce sont vraiment ses propres mots, selon des écoutes réalisées sur le numéro de téléphone d'un de ses proches. Les Italiens doivent apprécier. Et puis en sport, les frères Jonathan et Kevin Borlée disputeront la finale du 4x400 mètres des mondiaux d'athlétisme cet après-midi à Daegu en Corée du Sud. Et ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Azerbaïdjan en vue d'une qualification pour l'Euro 2012. Et à 9h05, c'est l'info météo maintenant. Et belle journée ensoleillée, mais cet après-midi, si vous habitez le sud du pays, pas de bol. Les nuages feront leur apparition. Une petite averse est possible et même quelques coups de tonnerre. Température jusqu'à 28 degrés. Demain samedi, journée agréable. Et dimanche, retour de la pluie. Ah oui, c'est dommage. M'en fous, je serai pas là. Fun Radio. Fun Radio. L'info en plus maintenant, on va payer vos factures aussi, pardon, dans quelques instants. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Ce sera dans 5 minutes. Et donc l'info en plus maintenant avec Julie. Eh bien après la Star Academy, tenez-vous bien, voici la Love Academy. Christophe de Chavannes planche sur ce nouveau projet qui va tenter de venir en aide évidemment aux célibataires les plus endurcis. Des caméras de télévision vont suivre ces célibataires prêts à tout pour rencontrer l'amour lors de leur formation, donc formés par des coachs à la Love Academy. Bien sûr, des grands professionnels. Et cette académie existe réellement à Paris. C'est ça qui est fort. Tout est encore possible. Mais oui, mais tout est possible. Je vais prendre rendez-vous. Tout à fait. L'info revient tout à l'heure à 10h avec Julie également. Ce sera dans le self avec Lucas évidemment aussi. Et puis la petite question qui colle, là. Quel âge a le plus vieil homme qui vient de traverser les 39 km de la Manche à la nage? Et on répéterait pas la devinette qui colle. Je vais la répéter là. Comment? Bon, là, j'ai donné la réponse. Ah non, c'est pas possible. Tu as toujours Mimi, 46 ans de GMEP. Ah oui, dans le standard. On va la prendre maintenant. Voilà, Mimi qui est la pro du ménage. Salut Mimi. Pas tant mal. Mimi? Mimi! Et oui, Mimi qui en a eu plein le cul d'attendre. C'est pas grave. On fera ça dans un instant, alors c'est pas grave. Chaque chose en son temps, vous inquiétez pas. On va se mettre Ina maintenant avec Club Rocker. Et puis on aura Mimi juste après. La question qui colle également, les factures, des places pour aller mater le match du Sporting. Tout ça avant 9h30. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpi kai, pauvre con. Le son d'Ina sur Fun Radio, 9h11, c'était Club Rocker. Dans un instant, il y aura des games avec Chris Brown et Pot of Gold. Et puis bah là, nous allons récupérer enfin Mimi qui est là maintenant et qui avait la réponse à la petite devinette qui colle. Allô, allô Mimi? Oui, allô. Ah, Mimi est là. Mimi, appelle d'où Mimi? Jemep Tuxent. Très bien, parfait. 99 pour écouter Fun à Jemep. Bon. Jimep. Ah, Jimep. Bon, alors Mimi, t'as la réponse à la question, à la devinette qui colle de Julie ? Que Julie va répéter, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui est rouge, qui coule blanc et qui est chaud ? Voilà. Une bougie. Une cochonne, Mimi. Hein, je suis sûr que t'avais l'esprit mal tourné à la base. Non, justement, justement, bien mais joué. Mais oui, c'est ça. Que Mimi n'est pas comme ça. C'est vrai. Justement c'est romantique, chasse. Tu vois. Bougie, mais oui. Des chandelles, mais un oui. Petit bon, amoureux. Bravo, Mimi. Je t'en prie, hein, on va te filer l'écran plat comme promis, écran plat HD pour toi. Oh, super génial. Bah, je t'en prie. Ouais, à Mimi. Salut, allez. Mimi. À bientôt, Mimi. La bonne journée. À bientôt, Mimi. Bisous. Allez, ciao, ciao. À bientôt, bye bye. Bon, ben voilà une bonne chose de fait, ça. Dans un instant, on va vous filer des places aussi pour le Sporting pour aller voir le match. C'est samedi soir. On a quelqu'un maintenant qui est là ? Mais oui. Qui est là ? Oui, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles ? Fulvio. Fulvio, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Ou Silvio ? Fulvio. J'avais bien raison, alors très bien. Fulvio, t'appelles de Charleroi ? Oui, tout près, oui, Châtelet, oui. D'accord, ok, très bien. Alors, Fulvio, tu veux tes deux places pour aller voir le Sporting là ce week-end ? C'est demain à Charleroi ? C'est demain soir, oui, oui, pas de problème. Oui, bah, c'est parti, prends, okay, deux oui. Places pour toi, je me doute bien. Deux places pour toi, Fulvio. Ok, c'est bien gentil, merci avec beaucoup. Avec plaisir, salut à toi, à bientôt. Merci, au revoir, salut. Et puis restez bien là, dans un quart d'heure, on va vous filer les places VIP avec l'emplacement parking, l'emplacement business, tout ce que vous voulez. C'est à gagner maintenant aussi au 63-22 en débutant le message par Sporting, juste avant le self avec Lucas, on appellera quelqu'un pour lui offrir ses places. Et puis là, nous sommes en retard, mais maintenant, je pense qu'on a l'habitude, depuis 8h30, on est dans le pâté. Hein. Allez. On court, on essaie de rattraper là, on rame. Ouais, bah on court, mais malheureusement, ça marche pas. Tous les matins. Radio, paye vos factures. Allez, c'est parti, on va payer vos factures maintenant. Plein de factures qui sont arrivées, c'est cher tout ça. Qu'est-ce que c'est cher ? 63,22 en débutant par facture, c'est 1 euro par message. Vous laissez le montant de la facture et l'objet de la facture, 316 euros chez vous. Mais comment vous faites ? C'est ça que je comprends pas. Pour moi, je n'ose même pas. Comme ça. Bah, ouais. Regarde des films de cul. Ah oui, c'est possible. Non, c'est vrai, oui, le téléachat, enfin, pas le téléachat, mais la VOD, ouais, c'est possible. 140 euros pour la géométrie de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 348 euros pour la voiture. Allô ? Oui, allô, allô, allô, bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Allô, allô, bonjour, vous m'entendez ? Oui. À votre avis, à votre avis, qui est-ce ? Ah, c'est ça, non ? Mais ah, oui, bien joué. C'est Fun Radio, Mickaël à la radio à 9h14. Comment tu t'appelles ? Martine. Salut Martine, comment ça va ? Très très bien. T'es dans quelle ville, Martine ? Bayonville. C'est un petit village près de Marche-en-Famenne. Ah oui, Marche-en-Famenne, je vois mieux là. Parce que c'est Bayonville ? Oui, c'est ça, Bayonville. Bayonville, ouais. Ok, d'accord. D'ailleurs, Martine est la seule habitante de Bayonville. Je pense qu'il doit être... Oui. Non. D'accord, non, mais écoute, on s'inquiétait, mais au final, tout va bien, tant mieux. Hein. Bon, alors à Marche, c'est 101.2 pour écouter Fun là-bas, comme ça, si vous êtes dans le coin. Vous savez, Martine, la facture... Attends, t'en faisais combien la facture ? La facture était de 25 euros. 25, c'était pour rembourser quoi, Martine ? C'est les photocopies de la rentrée scolaire de mon fils. Oh, bon, on va te rembourser ça sans problème. Ah, mais oui, Martine, il n'y a pas de problème, Martine. Eh ben, Martine, je vais te renvoyer au standard, on va t'expliquer comment ça marche pour qu'on te paye rapidos. Ok, super. Je t'en prie, à bientôt, Martine. Merci, bonne journée. Salut Martine, à bientôt Martine. Ciao à toi. Merci. Martine, bye bye. Et on remettra le couvert évidemment dès lundi avec les factures, ça tombe sous le sens. Et 9h15, dans quelques instants, ce sera l'horoscope, il n'y en a qu'un seul. L'horoscope avec Doudou, toujours avec une mauvaise nouvelle pour les cancers, comme d'habitude. Non, ça va. Bon, ça va, c'était moyen aujourd'hui. Bah ouais. Oui, ça va. Ouais, c'était moyen quoi. Allez, The Game qu'on écoute maintenant avec Chris Brown, Pot of Gold. Et puis la petite question qui colle, hein. Quel âge a le plus vieil homme qui vient de traverser les 39 km de la Manche à la nage. Là aussi, il y a des cadeaux pour vous si vous avez la bonne réponse. 30,44, c'est 1 euro par message. Pour info, c'est un Britannique et bon, il est quand même relativement vieux pour faire ce genre de sport-là. En gros, il a plus de 60 piges. Hein. Donc déjà, je vous le dis, hein, comme ça, c'est fait, c'est plié. Quel âge a le plus vieil homme qui vient de traverser les 39 km de la Manche à la nage ? The Game maintenant sur Fun Radio avec Chris Brown, Pot of Gold. Le son de The Game à l'instant sur Fun Radio, Pot of Gold. Et puis bah, c'est le moment maintenant de passer à 9h19 à l'horoscope avec notre ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope à 9h19. Oui, on a quelques petits problèmes techniques avec la machine, donc il y a certains trucs qui fonctionnent pas toujours comme on a envie que ça marche, mais enfin, c'est pas grave. La question qui colle, je la rappelle vite brièvement, quel âge a le plus vieil homme qui vient de traverser les 39 km de la Manche à la nage ? Il a plus de 60 ans. Faisons un petit tour du côté des réponses. On proposait 101 ans. Non, n'abusons pas non plus quand même. 81 ans, c'est trop. 89 ans, c'est trop. 75 ans, c'est trop également. 74 ans, c'est toujours trop. C'est un petit peu moins, voilà, comme ça vous avez une idée. Bon, Doudou. Ah oui ? Bon, alors on va commencer par les béliers, Doudou. Mais oui, allons-y. Allez, c'est parti alors. Alors ce soir, vous avez mérité une récompense pour le dur labeur que vous avez fini toute la semaine. Je vous le confirme. Les taureaux. Alors il faut oser, car qui ne fait rien n'a rien. Très bien, les gémeaux. Alors c'est certes bien de rêver, mais il ne faut pas s'y perdre. Les cancers. Votre sensibilité va vous aider à trouver une solution à une crise sentimentale grave. Ah, les... quand même. Mais ouais. Ben oui. Ben oui. Tu n'avais les... pas écouté ce matin. Les lions. Aujourd'hui, vous manquez d'énergie et vous traînez un peu la patte. Oui, lion, la patte. Ah, c'est gentil, vous relevez un petit peu les... Oui, mais avec plaisir. Il y a des genoux pourris, oui, on les relève. Les vierges. Allez de l'avant avec intelligence et ne foncez pas tête baissée. Ça marchait aussi pour les béliers, foncez tête baissée. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est bien que vous ne l'avez pas fait avec mon signe. Oui, vous avez vu. Je vous en suis reconnaissant. Les balances. Alors, vous ne pourrez pas changer votre partenaire, alors il va falloir faire avec. Ah oui, c'est ça. Les scorpions. Vous n'avez aucune raison de voir les choses en noir, hein, même si c'est moi qui le dis. Ah, les étoiles ne peuvent pas être plus favorables. Les sagittaires. Un vent nouveau dans une relation n'a jamais fait de mal à personne. Les capricornes. Vous vous sentez aujourd'hui démotivé, sans entrain. Mais courage, ça va s'arranger. Les Verseaux. Évitez le stress et faites du sport ce week-end. Les Poissons. La déesse de l'amour est à vos côtés et vous offre des moments inoubliables en amour. Oh, c'est beau. Voilà, Doudou, c'est terminé pour vous. Hein. Ben passez un beau week-end. Vous n'allez pas à la mer du Nord ce week-end? Non, mais non, je vous ai dit, je vais me reposer de ma petite opération. Oui, c'est vrai que c'est du repos, là. Effectivement. Ah, oui. J'avais oui. oublié. Bon, ben, bon week-end et bon repos, alors, Doudou. Ah, hein. Oui. Allez, ouais. Je vais aller voir le docteur. Là. Oui, bah, c'est fait plutôt ça, effectivement. Voilà. Likili, on va s'écouter I Follow Rivers dans quelques instants sur Fun Radio, 9h21. Dans un instant, la fin de l'émission, mais Dieu sait qu'il reste pas mal de choses à faire, notamment enfiler les places pour le Sporting Charleroi, les places VIP, parler aussi de scooter et également parler de l'Euromillion. Bref, ça va venir, vous inquiétez pas, tout ça c'est juste après Likili maintenant. I Follow Rivers. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bonne chanson de matin, ça tient. Ouais, moi, ça me fait plaisir ce genre de son. Ouais, ça fait plaisir. Ça réveille tout doucement, comme ça. I follow you. Après, il y a ça aussi, hein, sinon. Tu veux pas nous foutre ton héros comme. Ah, c'est pas vrai. ça va. Si, j'arrête. Oui, je suis content, j'ai fait ma balle, je suis content. Bon, je vous rappelle également que ce soir, il y a l'Euromillion, 114 millions d'euros qui sont gagnés. Ne touchez pas mes millions. Voilà. Oui. Et là, je vous fais un peu une enfume parce que je vais vous dire, voilà, inscrivez-vous au 6322, c'est un euro par message, débuté par million. Et si on gagne grâce à vous et avec vous, au final, en gros, on choisit des numéros et on vous tire au sort, on prend une dizaine d'auditeurs et on joue avec ces auditeurs. Et si on gagne, on partage avec les auditeurs. Ben c'est terrible, voilà. Ça. Donc vous savez très bien que vous n'allez pas gagner puisque c'est moi qui gagne. On ne peut pas y avoir 10 000 gagnants non plus. Donc voilà. Sûr. Donc 63-22, débuté par millions si vous voulez tenter de gagner ce soir les 114 millions d'euros. Très plaisir. Il y a moyen qu'on partage. Hein, je veux dire, on peut me donner un petit million par ci, c'est vrai. Un petit million par là. Mais tu joues toi? Mais je vais jouer, ouais. Bon, tu gagnes, tu me donnes un million et je te donne un million si je gagne. Ok, banco. Allez, hop, c'est parti. Ça fait toujours une chance de plus. On sait jamais. Aussi, c'est nickel. Voilà. Bon, il est bon de savoir qu'aucun des deux ne va gagner. Mais t'en sais rien, c'est rien. Mais tu ne sais... C'est ça qui m'énerve ça avec les gens, tu vois. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Il suffit d'une fois. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Franchement, une fois, c'est bon. 114 millions, une fois, c'est bon, j'arrête de jouer. Ouais. Ah non, moi je continue à jouer. Hein. Ça fait juste 10 ans que je l'entends dire qu'il va gagner. Ouais, mais. Ah non, c'est vrai que Mickaël il est vachement taquet. Hein. J'avoue que tous les jours il est là. Ouais, c'est moi qui vais gagner. Mais bien sûr, je vais gagner. Tu vois, moi je joue une fois de temps en temps comme ça. Je me dis, ouais, allez, vas-y, je mets 5 euros. Par contre, tu vois, si lui gagne, là je vais tirer à la gueule, tu vois. Ah là, par contre, je peux comprendre. Parce que si lui il joue que de temps en temps comme ça et toi t'es au taquet à chaque fois. Ouais, tu sais, parfois je le vois, il est là, ouais, machin. Je dis, ouais, allez, vas-y, je mets 5 euros pour la vanne. Mais m'en fous au final, tu vois. En fait, c'est comme si je donnais 5 euros, tu vois, comme ça. C'est... Ah, ouais. Parce que je m'attends pas à gagner. Tu crois pas du tout, ouais. Alors que moi, je suis persuadé que ça va être bon. Ouais, hein. Non, mais ça, j'ai bien vu, ouais. Bien persuadé, ouais. Ça va se passer ce soir, là, je pense, ouais. Enfin, bref. Enfin, bon. Il m'a déjà dit ça lundi, la semaine dernière, la semaine d'avant. Non, mais ça va aller. Bon, si tu me dis que ça fait 10 ans. Bon, qui est là maintenant pour repartir avec les places VIP Business pour le Sporting Charleroi? C'est le match qui aura lieu demain soir à Charleroi, évidemment. Bonjour, qui est là? Bonjour, Maxime. C'est Maxime. Salut Maxime, ça va bien? Salut, ouais, ça va, la forme. Bon, fan du Sporting? Entre parenthèses. Comment ça, entre... Ah bah non, mais moi je veux filer les places VIP à un vrai fan, hein, pas un mec qui s'en fout. Non, mais ça, oui, mais depuis, c'est un peu triste, mais bon. Bah non, mais il faut les soutenir quand même. C'est justement maintenant qu'il faut les soutenir. C'est maintenant qu'ils vont passer en D1. Trop facile de les lâcher mais maintenant qu'ils sont au fond du trou. Mais ils non, ils sont pas au fond du trou. Ils sont pas au fond du trou. Il y a la D3 encore. Ah ouais. J'allais dire, il faut pas tomber plus bas, mais enfin parce que la D3 quand même, faut arrêter quoi. Non, mais bon, c'est possible. Non, mais c'est maintenant qu'il faut les soutenir parce que c'est l'année prochaine qu'ils vont de nouveau être en D1 et là ça va bien se passer. Non, ça va aller, ça va aller. Tu vas aller avec qui? Ma copine. Ah ouais, bah ouais. Très bien, écoute, avec Petit Four et tout, ça va être cool. Hein. Bon, bah voilà, place VIP. Il va se la raconter, tu vas faire, ouais, tu sais, moi je suis un mec connu ici. Moi je suis en VIP. Ouais, place VIP, business, t'as le parking, t'as tout ce qui va avec et tout, ça va être plutôt bon d'ailleurs, j'espère. Merci. Bah, je t'en prie, y'a pas de problème. Salut à toi et bon match demain soir. Salut, merci beaucoup. Ciao à toi, bye bye. Bon, ben voilà, bonne chose. Et puis restez bien là aussi la semaine prochaine, dès demain d'ailleurs. On va vous filer des scooters sur Fun Radio, les scooters Kimco Like 125 cm3. Il va falloir repartir. Il va falloir repartir. Oui, avec le scooter, dans l'absolu, c'est un petit peu ça aussi le concept. C'est le concept. Il faut venir le chercher après quand il va falloir, il va falloir deviner la plaque d'immatriculation du scooter. Et sachez que dès que vous passerez à l'antenne, il y a d'office 25€ de carburant valable chez Octa Plus. Alors là, c'est donc bon ça, parce c'est que le prix bien. Du carburant pour l'instant, bah ça, voilà. Ça fait plaisir aussi. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon délire quand même. Voilà, donc ça se passera dès demain sur Fun Radio, Octa Plus, donc, et Kimco, on vous file les scooters. Et puis, vite fait, pour terminer, car oui, nous sommes en retard, nous avons qui maintenant pour la question qui colle, la réponse? Soumia. Sonia, c'est ça? Non, Soumia. Soumia. Soumia, c'est ça. Soumia, c'est ça? Oui, oui. D'accord, c'est okay, comme soumise bien. Mais avec un j'étais A. J'étais sûr, j'attendais. Ouais. Alors là, on j'attendais la vanne. Quoi. Bon, Soumia, alors attention, la question qui colle. Wattle, mes feuilles. Quel âge a le plus vieil homme qui vient de traverser les 39 km de la Manche à la nage? Alors, il a 70 ans. Oui, 70 balais. Fort le mec quand même. Alors, il est très très fort. C'est-à-dire que moi, du haut de mes 17 ans, j'arriverai pas. Tu peux rajouter 20 ans direct. Hein. Dès le début, 20 ans, ça va ou quoi? Non, mais attends, en tout cas, plus que 10, ça c'est sûr. Ah mais c'est ça, parce qu'en plus le mec il a dû nager mais genre 10 heures, un truc ah comme oui, ça. Non, mais, ah ouais, non, mais c'est franchement moi j'arrive déjà, si je fais 5 mètres d'une piscine, je suis au bord de la mort, je ne fume pas. Oui j'allais dire, en plus il ne fume pas quoi. C'est ça. Bon bah écoute, bravo à toi Soumia, c'est gagné, on va te renvoyer chez au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton cadeau. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Gros bisous, à bientôt. Salut, salut. Ciao. Allez, ciao. Voilà, une bonne chose de faite. On se retrouve lundi à partir de 9h du mat. Oh oui, c'est ça. Ah, je savais pas. Parfait. Petite grasse matinée prévue pour nous lundi. Merci, patron. À partir de 6h, il y aura Jean-Marc Morandini qui sera avec nous aussi en invité. Ce sera donc lundi à partir de 6h. Dans un instant, Lucas qui débarque avec le self. Bonjour à tous. Et bonne chance. Je te laisse. Il paraît qu'il y a quelques petits problèmes. Plaisir. Mais pas du tout. Non, pas qu'il y a quelques problèmes. C'est qu'il y a qui marche. Tu vas t'amuser. Voilà. J'ai des doigts de fée. Donc, je te laisse avec grand plaisir cette magnifique machine. Merci beaucoup. Qui déchire tout. Le elle must, déchire. Du must. Le top la technologie. Du top. D'ailleurs, je pense ça, que c'est le problème. C'est ça le problème quand on est à la pointe de la technologie. On sait parfois plus, on sait plus comment gérer tout ça. Parfois. Non, parfois. Moi, ce que je propose, c'est qu'on va acheter un nouveau programme complet qui marche mieux. Ben, j'enverrai ma facture au 63. On verra si peut-être fun. Que tu seras tiré au bah, sort. Qui sait, on sait jamais. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Bon week-end. Profitez bien du soleil aujourd'hui et demain et puis on se retrouve lundi à partir de 6h et pour info je pars au Portugal ce week-end et je ramènerai des petits gâteaux portugais pour Julie lundi. Ah moi je vais prendre 10 kilos en bossant. Ah ouais aussi, hein. Ah là je te après confirme tu vas prendre cher. Après le petit déj de Steph hier. Tu vas prendre bien bien cher. Allez bon week-end tout le monde à lundi 6h en pleine forme. Ciao. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.